En direct des studios Young Media, vous écoutez l'épisode 13 de la saison 2016-2017 de la soirée du podcast. L'alignement de départ pour le podcast de ce soir, le numéro 75, votre animateur JF Cromb, le numéro 21, Dave Thibodeau, yeah. Le numéro 31, JF Mallette, yeah. Et notre invité cette semaine du podcast Boulevard Brutal, le numéro 666, Seb Brutal. Yeah! Hey, merci les boys! Yeah! Hey, Chris. Bienvenue! T'as remis ma belle intro, man, de Behemoth, c'est parfait ça. D'ailleurs, ouais. Votre jingle au début, c'est metal un peu, j'aime ça. C'est Mart, c'est production ouais. Interne c'est Mart, Young hein, Media, ouais. Ouais. Il a bien fait ça, il a bien fait ça. Belle job. Fait que Seb, bienvenue au podcast. Deuxième fois cette année, première fois en studio. Fait que bienvenue chez Young Media. Ouais, ouais, là, merveilleux, belle place. J'adore ça. T'es probablement présent pour le plus gros show de l'année, je te dirais, avec les plus grosses nouvelles qui se sont passées cette semaine. T'aurais dû commencer le show, là. Tu sais, comme souvent, là, ils font ça, mettons, quand il y a un show à télé. Breaking News. Ouais, puis là, tu sais, c'est comme... Ah, comme la toune d'NBC, là. Non, mais là, ça commence, le show commence, puis avant même de voir qui que ce soit... T'as comme un extrait vidéo, mettons, là, ce serait comme un extrait vidéo ou audio de Bergevin qui dit « On a sacré Michel Therrien dehors, puis on a engagé. » OK, comme dans le temps. Puis là, après ça, tu pars ce soir, à la soirée du podcast, c'est tout un show. Puis là, la grosse toune, asti, puis on part. Ouais, ça aurait été une excellente idée si tu me l'avais dit d'avance, ça, Dave. j'ai dû penser là. C'est, on recommence, asti. En tout cas, on invite les fans à aller suivre le podcast de Seb, Boulevard Brutal, un excellent podcast sur le métal. D'ailleurs, que je trouve très bien monté, bien produit, ce show-là. Oui, ben on n'est pas bien régulier, par exemple, dans la production. Là. Ça fait super longtemps qu'on n'a pas fait, mais on se dit... Comme la plupart des podcasts, d'ailleurs. Là. Comme la plupart des podcasts, il faudrait être un petit peu plus régulier, mais justement, c'est le fait qu'on... Ben c'est moi qui le monte chez nous, là, c'est le fait de le monter et de rentrer les extraits pis tout ça, qu'à chaque fois que je veux en partir un nouveau, je suis tout comme ah, tabarnak. Ça prend plus de fibres. Ouais, un autre montage. Plus régulier. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. On va aller faire l'avant-match. C'était pas triste, ça. Comme des young people fucking. Fait que Dave, les positions du pool. Là. Les positions du pool. En ce 17 Donc, février 2017. On y va avec la cinquième position. Caro Langlois en cinquième. J'ai-tu dit sixième ou cinquième? T'as dit cinquième. Je m'écoute même pas. quatrième position, Dominique Séparant. Hey, on fait ça encore la joke de ses parents. On en fait à chaque chose. troisième position, JF Mallette. Ben oui, encore. Le tricheur. Bon. Celui qui a tweaké le pool en sa faveur. Hey, Mallette, t'as fait des bons choix. Là. Je sais. Le deuxième position, Yann Dupuis. Et en première position, Alexandre Girard. Et pour ce qui est des membres de la soirée du podcast, sixième position, moi-même, Dave Thibodeau. Solide. Onzième position, Alex Galipeau. Qui a descendu un peu parce qu'on se talonnait, moi, puis lui, pas mal, genre 5-6. Puis il a descendu quelque peu. Numéro 13, JF Cromp. Après ça, on va parler de notre invité de ce soir qui se trouve à être, je l'ai vu tantôt. Ouais, je suis comme 25e ou 27e. Ouais, dans ce coin-là, ouais. Attends un peu. Ouais, 28, c'est brutal, ouais. 28e position. Et pour les restants, 41e position, Alex Cromp et 42e, Mart Vero. Ah, on est combien dans le pool? On est 70. On est 70 et la dernière position est attribuée à Élie Rodrigue. Qu'on salue d'ailleurs. Salut. Fait qu'avant de commencer le podcast, cette semaine, il y a eu Éric Lindros qui est allé faire son tour à Tout le monde en parle. Ben oui. Ouais. Dave, je pense que tu voulais en parler rapidement. Ça te rappelait des drôles de souvenirs. Toi qui viens de Québec, Dave. Là. Ouais, ben non, mais moi j'étais jeune quand même quand c'est arrivé ça. Mais en même temps, tu sais, je veux dire, oui, ben... Il a fait son mea culpa, mais en même temps, là, on peut-tu dire que y a-tu une raison de faire ça? Non. Non, à part le documentaire qui sort et d'en parler. Ben, c'est ça. C'est pour ça qu'il a été invité, dans le fond. Ouais, mais c'est ça. Mais fait, ça lui donne-tu vraiment de quoi de ce aujourd'hui de genre se comme. Se confesser? Ouais, de dire comme c'est pour ça que j'ai. Ouais, je n'ai pas choisi, tu sais. Ça donne plus rien. Mais là, mettons non, ben, tout le monde va vouloir le savoir. Sauf qu'il a dit la version allégée, mettons. Là. Ouais, c'est ça. Il n'a pas dit tous les faits. Il n'a pas voulu nommer Marcel Aubu. Ça peut pas. Là. En partant, je pense pas que ça peut être 100% à cause d'Aubu. Il n'y a pas juste ça. Là, il y a eu beaucoup. Je pense que ça fait partie des grosses raisons pourquoi. C'est probablement le facteur décisif. Là. Mais tu sais, je veux dire, à Québec, c'est un petit marché. Il n'y avait pas, de possibilité vraiment d'avoir de gros contrats de commandite là-bas. Pas pareil comme si tu vas jouer à Montréal ou à New York ou des grosses villes de même. Mm. T'sais. Fait que, t'sais, c'est pas genre, je suis pas venu jouer à Québec juste à cause d'une personne. T'sais, il a dit, si tu n'avais pas été de Marcel Aubut, seriez-vous venu jouer à Québec? Il a dit, yes. Je suis comme, oh, c'est gros, je trouve, là. T'sais, c'est comme, wow. Pauvre Marcel, cette année, il se fait varloper. Ouais, il mérite. Je sais pas. Ouais, gros, probablement. Mais ouais. T'sais, c'est comme, je trouve, c'est... Puis le voir... en même temps, là, t'sais, le voir quoi? Le voir enfiler le chandail des Nordiques. T'as-tu fait un petit quelque chose? Hein? Non, ça t'a-tu brisé le cœur? Pas en doute, lui qui a dit non, que jamais il ferait ça. Ça y va bien, par exemple. Je suis pas comme un fan... Chris aigri, là, mon gars, qui est genre frustré. Moi, j'ai passé à autre chose. Là. T'sais, il est parti. Moi, là, ça m'a amené un idole d'enfance. Parce que quand il y a eu son échange, d'ailleurs, il a été échangé pour deux équipes en même temps. Là. Ouais, il a été échangé pour les Rangers puis Philadelphie en même temps. Puis ils ont pris un arbitre pour trancher. Puis il a été échangé à Philadelphie parce que c'est fou, ça. C'est eux autres qui avaient comme fait le deal au début. Là. C'était quoi le deal de. Le deal avec les Rangers, hey, c'était Nemchinov, Amonte, Kovalev, James Patrick, puis soit Van Beesbrook ou Mike Richter avec des first round pick plus 20 millions. Puis le deal avec les Flyers, c'était Ekstall, Duchesne. Il n'y a pas de bon sens de ce deal-là. Hein? C'est vrai que les, ouais, le deal avec fou. Les Flyers, ça n'a aucun, ben, le, aucun le deal bon avec sens. Les Flyers, c'est Ekstall, Duchesne, Richie, Hoffman, Peter Forsberg, idole de jeunesse, first round pick de 93, 15 millions, puis des considérations futures. Pour un gars, ouais. C'est fou, Red. Ouais. Les années 90. Mais, ça a changé la game pour les... Ça a amené à Montréal. À Québec, ça a amené Peter Forsberg, qui a été, pour moi... Qui a amené la coupe, quoi, deux, trois ans après? Au Colorado, qui a amené la coupe au Colorado, genre l'année qu'ils sont déménagés quasiment, là, avec Patrick Roy. Dans la première année, de ça. Fait que ça a amené, pour moi, là, c'est comme... Chris Forsberg, c'était mon idole de jeunesse. Là. C'était un tabarnak de joueur. Il a passé en dessous du radar en esti parce que, tu sais, Lindros, c'était comme la star, là. Mais Chris... Forsberg, c'était tout un joueur. Là. Puis il a eu une belle carrière dans la Côté de carrière, les deux, au niveau de la production, c'était pas mal pareil. C'était deux joueurs différents, mais Forsberg avait quasiment autant de points que Lindros, me semble. C'était tout un joueur. Là. Nasty de joueur. Il a duré plus longtemps dans la ligue. Il a joué plus longtemps. Ouais, moins de blessures. Malheureusement. Là, ouais. Mais tu sais, je veux dire, puis j'enlève rien à Lindros. Là. C'était tout qu'un joueur de hockey. Là. C'était un train, ce gars-là. Ah, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il a fait beaucoup de commotions. C'est parce qu'à un moment donné, il s'est fait cibler. Ça joue là. Contre toi, maintenant. Ah, c'est ça. Il a payé pour ses crimes. C'est-tu. Comme son frère, d'ailleurs. Hein? Il avait la même génétique, son frère. Ouais, son Brett Lindros. Ouais. Ouais, mais lui, il n'a pas eu une carrière problème. Aussi longue. Non, mais il y a eu les mêmes problèmes à la tête. Il n'a pas été longue. Mais... Dire qu'on m'a fait à craquer sa carte d'hockey vaudrait cher. Avec le nouveau chandail des Islanders. Lequel? Son frère? Son frère Brett. Ça vaut probablement fuck out. Ben non, ça vaut absolument rien. Sur des cartes au Pichi. Il était beau dans son chandail, tout stretché, hein? Tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Ah ouais, c'était tête en caisse. Ah non, mais c'est une tabarnak de pièces, pareil. Ah, il était énorme. En plus, il a pris du poids. Il était assis à côté de Bégin. Ouais, c'était Bégin. Il était plus gros que les deux. Immense, ça n'a pas de bon sens. Ah, mais GSP, il est petit, mais il est sec au bout. Ah, il est narfé. Ah, il a signé un contrat UFC, je pense. Ouais, ben, en tout cas, c'est pas encore officiellement annoncé, mais ça a l'air. Juste de même, ouais, c'est ça. En tout cas. Sur le side, là. Petite scène de même. Hein? Fait que c'est ça. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que moi, j'ai comme l'entrevue avec Lindros, puis son. C'est très intéressant, là. C'est super intéressant à écouter, là. Mais tu sais, je veux dire, on n'a pas appris tant que ça, puis tu sais, je pense que ça a été vraiment comme présenté doucement, là. Tu sais, ça a été... Ben, il était en relation publique, là. Ouais, c'est ça, là. C'est vraiment. C'est vraiment comme. Ouais, c'est ça. Les chicanes n'ont rien de partir ça. Non, c'est ça. Puis tu sais, je veux dire, le monde de Québec qui capote encore avec ça, c'est comme, ok. Revenez-en. C'est comme le monde qui veut encore avoir à l'ac. Là, c'est ça. Et qui parle, qui disent que Condon n'a pas été pénétré à des sénateurs. Là, puis... Avec ça, c'est bon, ça. Fait qu'on va commencer avant. Gros merci à Seb qui nous a amené la bière ce soir. Bonne Iron la Trooper, Maiden. Stie. Ouais, la Trooper d'Iron Maiden de Robinson Brewery. Une bonne bière, ça. Une belle bière britannique de qualité. C'est ça qui est écrit sur la bouteille. Mais Iron Maiden, c'est un band de qualité. Fait qu'ils ont fait un bon produit, je trouve. Ça se boit très bien. Ça se boit très excellent. Bien. Fait que, ouais, je vous emmenais ça, les gars. Si j'avais le goût de boire ça, je l'ai bu quand elle est sortie. Ça faisait un bout que je l'avais pas pris. Fait que... C'est excellent. Le pire, c'est qu'au début, c'était supposé être comme une quantité limitée. Puis il n'y en avait plus nulle part dans un sac. Puis là, à un moment donné, ça a commencé. Ouais, c'était dur à trouver au début. Ouais. Mais tu vois, où est-ce que j'étais allé la chercher à sac, il y en avait comme une quinzaine à peu près. Ouais, c'est ça. Puis dans une autre sac, il y en avait comme 50 en stock. T'sais. Ils ont refait les stocks par après, parce que ça a marché. Ça a bien marché. Ben, bonne, ouais. Super bonne. Il y a Dom dans le chat qui dit qu'il n'y a plus personne qui parle de Alak. C'est pas vrai, Dom, tu vas pas assister sur Twitter souvent. Mais là, là, ça nous. Ouais, t'as peu. Là, ça n'en parle vraiment. Non, non, moins. Non, le gars est dans la Ligue américaine. C'est clair. Ouais. Là, ça parle plus de Condon. Va voir mon feed de Facebook. Ah, je sais pas, j'ai pas le goût d'avoir des cauchemars. Ouais, ouais. C'est quand même bizarre que ce gars-là soit rendu dans la Ligue américaine pareil. C'est pas un mauvais goaler. Surtout que les goalers qu'il y a avec les Islanders, c'est pas des super goalers. Ils performent plus présentement. Thomas Greisch, puis l'autre, c'est Craig Berube. Greg Berube, tu sais. Je sais pas, c'est un Québécois. Berube. Puis un gars qui s'appelle Guillaume des Bruins. C'est-tu Greg ou Craig? Ouais, ça finit par G. Il y a un gars dans le chat qui s'appelle Guillaume des Bruins qui dit que Julien est incroyable. Bon, là, je pense que c'est un peu biaisé. Son nom, c'est des Bruins, là. Guillaume des Bruins. Mais sa chandail, son chandail, c'est le logo du Canadien. Fait que c'est un peu, je sais pas, du temps en ligne, là. Ben, il est incroyable, Claude. Ben oui, mais ben on va en parler, justement. Claude est incroyable. On va parler en deuxième. On va commencer par payer nos respects à Michel Therrien. On va aller faire la première période. Le bon Michel. Il est mieux de comprendre. Et je pense qu'il n'a pas compris. Oh. Là, c'est tellement... trop facile. Avant d'embarquer là-dedans, je suis vraiment triste pour le podcast que Michel Therrien parte parce qu'on va se priver d'audio tellement succulent. Non, ça, c'est sûr. Julien, il fait moins de fautes, j'ai l'impression, quand il parle. Mais il y a une petite voix aiguë, on va l'entendre tantôt. Là, mais... ouais, ça va être un je pense qu'il va quand même nous en sortir des popées. Mais je pense que la force de Julien, ça va être plus côté vidéo. Ouais, parce qu'il fait des tronches de cake, ce gars-là. Là. Il est dégueulasse. Ça va être des excellents mains. Face à chier. On va booster ce segment-là. Mais. Oh, mais je suis content. Je suis content. Puis je suis content d'en parler aussi. Pas sûr qu'il est content. Ça, c'est mon extrait préféré. Aujourd'hui, man, j'ai passé proche de vous amener des langues dans le vinaigre. En l'honneur de Therrien. J'aurais trouvé ça merveilleux parce qu'il n'y en aura plus de ça, tu sais. Alors, c'est on va savoir Marc. De choses dans la bouche. Marc, il est toujours payant. Mais Marc, c'est parce qu'il parle moins souvent. Puis quand il parle, c'est tu priceless. Vois qu'il parle pas souvent parce que ouais, tu comprends pourquoi. Langue, genre, il doit faire des dessins à ses assistants. Mais reste que mon exemple préféré de Therrien, moi, c'était celui-là. Dans le cas de René. Ça, c'est un grand classique pour toujours. Même si René n'est plus là, même si Michel n'est plus là. Il va toujours être là. On n'a pas un autre du tout qui est malade. Je sais pas, là, il faudrait que je fasse les archives. J'en ai plein sur mon ordi, mais pas dans le soundboard, malheureusement. Là. On fera un album. Bon, on fera un best-of à un moment donné. Un best-of, Therrien. Ouais. Fait que l'aviez-vous vu venir, Therrien, qui allait se faire mettre dehors bientôt? Moi, à job, j'ai dit aux boys, à ma job, j'ai dit, si Therrien se fait crisser dehors, c'est genre après-midi ou demain, c'est au début de la semaine. Pour la Saint-Valentin. Ouais. On va y briser le cœur bien comme il faut. Après ça, on va le mettre dans le broyeur. On va le crisser à terre. Moi, je l'ai. On va le piétiner, esti. Je l'ai senti peut-être une semaine à l'avance parce que j'en jasais sur Twitter. À un moment donné, j'avais comme tweeté de quoi. Puis même Seb avait dit un changement de coach. T'sais, dans le fond, je me demandais qu'est-ce que ça prend pour lancer le Canadien ou quelque chose dans le genre. Puis avec les performances qu'on a eues dernièrement, là, j'étais plus capable. Non, mais il sentait la soupe chaude, là. La soupe de vieille chaussette. Je souhaitais qu'on perde les deux games la fin de semaine qu'on a joué contre Saint-Louis. En même temps, pour vrai? Oui, parce que la game contre Colorado, là, c'est là que j'ai pété ma coche. Je suis pas capable de souhaiter, genre, qu'on perde une game. Des fois, quand tu souhaites des affaires, ça n'aura pas. Non, mais je veux dire, on dirait que je suis pas capable de souhaiter que... Je veux que le Canadien perde pour crisser derrière dehors. Non, ça m'est arrivé souvent que je veux qu'il perde le Canadien. T'as pas besoin de perdre pour crisser derrière dehors. Là. Ça allait pas bien. Ça l'aide. Une victoire sur deux dans la fin de semaine. Ben, ça fait mieux passer la pilule. Si, ouais, si une victoire sur deux, c'est comme... Une victoire sur deux dans la fin de semaine, je pense encore, moi, que je le crisserais dehors pareil. Là. Ça dépend comment la victoire s'est déroulée. Ouais, mettons, c'est une victoire de 6-1, tu sais. Moi, je pense que oui. Puis, tu sais, Bergevin, il a dit, genre, ça s'est décidé dans la fin de semaine, puis on dit après la game de samedi ou le dimanche? Le dimanche après la game, il était allé parler à Julien. Il a été super évasif. Il a dit, comme, je sais pas trop, je dirais pas ce qu'elle joue. Je ne parlerai pas dans les dates. Tu sais, il voulait pas le dire, mais moi, d'après moi, il a dû avoir, tu sais, comme le fameux meeting dans les coulisses en Arizona, après que le gars a fait du vélo, là. D'après moi, il y avait quoi qui se passait juste là dans la tête à Bergevin? Vous savez quel bout que je parle? Moi, d'après moi, quand il a vu que Claude Julien était disponible, ça y a trotté dans la tête. Puis d'après moi, ça y a trotté dans la tête même au début de la saison. Il avait fait son temps pareil. Tu te dis, puis même pour Julien à Boston, il a fait son temps. Il fait 10 ans à Boston. Julien, c'est extrêmement long. Pour un coach aujourd'hui, c'est long en tabarnak. C'est lui qui est le coach le plus victorieux à Boston. Même 5 ans dans les nationales aujourd'hui, c'est long. C'est long en crise. C'est très long. Puis tu sais, je veux dire, t'as beau être le meilleur coach. Puis tu sais, on va en parler tantôt de Julien, là. Puis, t'as beau être le meilleur coach, Terrien, on ne peut pas y enlever ce qu'il a fait. Je pense qu'il a fait de la bonne job à Montréal. Faut pas dénigrer ce qu'il a fait. À un moment donné, le message, là, il passe plus. Parce que quand tu changes tes trios, ben, ça marche pas. Si tu échanges 75 fois là, en 2-3 ans... T'es cœur, le monde. Ben, exactement. Puis à un moment donné, le monde se tanne, puis le message passe plus. Quand tu changes tes trios au début parce que tu ne passes pas, ça te fouette. Mais à un moment donné, ça te fouette plus. Tu fais juste comme faire... T'es comme juste annoyed. Là, t'en calisse. C'est vrai, ça. Les joueurs c'est croient juste... plus à un moment donné, tu sais. Parce que t'as pas de résultat à promettre, tu sais. C'était rien, c'est ça pareil. C'est plate pareil parce que je checkais ça, tu sais. Quand c'était fait congédié à Pittsburgh, c'était en 2009, puis c'est exactement dans le même timing. Puis le pire, c'est 14-15 février, après 57 matchs. Il avait connu une séquence de victoire. Il avait gagné, je pense, quand il s'est fait criser dehors. Mais ça allait mal. Eux autres, c'était 27-25, ils étaient 10e dans l'Est. Mais je pense qu'il avait, le jour où il s'est fait criser dehors, il y avait eu une victoire ou quelque chose. Mais il semble qu'il avait gagné la dernière game. Il avait gagné comme sa dernière game, puis il s'est fait criser dehors quand même. Mais je pense que quand t'es rendu là, que ta gagne ou ta perde, t'es rendu là, man. Faut pas que tu regardes une game, faut que tu regardes le big picture. Le big picture, ça dit que le Canadien est parti fort. Puis après ça, ils ont rushé. Puis ça faisait deux années de fil que ça commençait à avoir le même scénario. Là. Sauf que cette année, sauf que l'année passée, tu pouvais. Exactement. L'année passée, tu pouvais dire bon, Price n'était pas là. Il y avait une grosse. La blessure la plus importante de l'équipe. Manque de leadership. Là, il a tout changé ça pendant l'été, Bergevin. Puis même scénario. Le jour de la marmotte, tabarnak. Mais à ce moment donné, c'est comme tu dis, Dave, quand le message passe plus, il faut que tu fasses un. C'est long, pareil, là, 5 ans, coach à une place. Moi, je crois pas ça, là, les coachs comme Barry Trotz qui restent, ce type, des Lindy Ruff qui restent pendant des rangs. C'est comme exceptionnel. Là. Ça va arriver une fois de temps en temps, mais... C'est parce qu'il faut que tu aies du résultat aussi. Parce qu'à un moment donné, tu promets quoi aux joueurs? C'est ça. Quand ton équipe marche, je comprends que ton coach va rester longtemps. Tu sais, comme mettons, Kenville avec les Blackhawks, déjà, je pense, au-dessus de 5 ans qu'il est là. 3 coupes. Il y a déjà 3 coupes. Ils sont pas prêts de le sortir. Ça marche. Oui, puis à la limite, le gars, il a juste à dire, gars, faites ce que je vous dis, là, puis on va en gagner une autre coupe. Parce qu'il y en a des bagues. Il y a de l'expérience, c'est ça. C'est ça. Mais le jour où il va avoir deux saisons de merde, puis qu'ils vont finir, puis qu'ils ne feront pas essayer. Ouais, à un moment donné, ça va arriver. Là, ils vont faire comme, ben, je pense que le message ne passe plus avec Kenville. Mais qu'est-ce qu'il est rendu? Il doit être proche de genre 6-7 saisons avec les Blackhawks, si je ne me trompe pas. Facilement. Il a remplacé. Peut-être même plus, que ça. Il est peut-être dans le coin du 8. Parce que lui, il a remplacé Denis Savard. Puis ça fait longtemps à Chris que Savard avait coaché Chicago, là. Les stats. La seule affaire que je trouve plate avec Terrien, c'est ça, c'est que c'est comme si c'était comme un deuxième coït interrompu pour lui. C'est comme s'il avait tout le temps fourré des belles filles. Puis là, c'est vrai parce que... quand il était proche de venir, il s'est fait crisser une claque d'en face puis il a tombé en bas du lit. Parce qu'avec Pittsburgh, c'était ça, tu sais. Il est allé 6 fois en série avec Pittsburgh, il est allé en finale de la Coupe. Ils se sont fait flusher par Détroit. La saison d'après, il s'est fait crisser dehors. Avec Montréal, tu sentais que les résultats étaient pour venir, tu sais. Ça n'avait pas été de l'année où ce que Price t'a fait sortir en série contre les Rangers. La coupe. Là, on s'est rendu loin, Puis là, encore, tu sais, il s'est refait crisser dehors après un résultat presque obtenu. Tu sais, c'est comme il va aller se finir à la main, là. Il n'aura pas le choix. Il n'y a pas le choix. Parenthèse, le Kenville est arrivé en poste en 2008-2009. Puis c'est ça, puis le coach d'avant, c'était Denis Savard. C'était avec les Blackhawks, ça se peut. J'ai checké la fiche de Kenville. Oui, parce que c'est Denis Savard. Ouais, Denis Savard s'est fait clairer la même année que Terrien. Mais il n'a pas été là longtemps. Ça se peut, ouais. Il n'a pas été là longtemps, Savard, avec les Non, Blackhawks, peut-être qu'il a fait 2-3 ans max, là. Denis. Il n'a rien fait pendant ses C'est bien parce que c'est la deuxième fois que le Canadien slack Michel Terrien et le remplace par Claude Julien. Ouais, c'est fucked up, ça. Ben, c'est pas du tout au niveau qui tourne en ce moment, là. On dirait qu'on réessaie tant le même, Esti. Ah non, c'est ça. On réessaie, on l'a réessaie. Quand est-ce que Carbo retourne là, dans la roue, lui, pour venir coacher? Ben là, il y a une couple de coachs entre lui, par exemple. Vigneault, je pense, qui était après, c'est pas-tu? J'espère que non, c'est. Il était avant Vigneault? Terrien a remplacé Vigneault. Terrien a remplacé Vigneault. Fait que si on a skippé Vigneault, mais c'est sûr. Mais selon moi, le prochain, c'est Alice après Julien. Là, mettons qu'on se transporte dans 3-4 ans. D'après moi, c'est Guy Boucher. Tu penses? Si ça me dort d'Ottawa aussi. Ouais, non, mais tu sais, il va aller chercher du bagage, puis on va aller chercher quand il va être mûr. En tout cas, Chris, personne ne voyait les Sénateurs ce qu'ils sont présentement. Là. C'est juste que Guy Boucher, je trouve qu'il est trop mine encore. T'sais. Tu le vois, arrête du banc, on dirait qu'il veut exploser. Mais le pire, là, c'est que ça. Ouais, mais il a l'air de ça, comme sa parure, là, son faciès. Son facial? En plus, il y a une cicatrice de vilain. Ouais, c'est ça. Chris, man, lui, il a mangé un petit coup de high stick dans la face. Il a la même cicatrice que Adib Al-Kildé. Ils ont la même cicatrice que Adib. Ouais, c'est ça. Fait la même mais pour vrai, ça a l'air que ce gars-là, là, avec ses joueurs, il est super rassembleur. Là. Comme, ouais, il est très psychologique. Super humain. Très psychologue. Un coach moderne. Ouais, mais en arrière du banc, il est genre, il est mean face. Il est trop. Ben, il est pas trop, mais il est dans la game. Ah, Chris prend ça en esti au sérieux. Ouais. Ben, c'est correct. C'est à chaque fois, tu as l'impression qu'il va te lancer une hache, là, on dirait. Ben, un chat dans ses poches. À Montréal, tu sais, on n'a pas le choix d'engager. Des stripes de genre de. De football, de... Là? Non, pas de football. Ben ouais, je voyais plus d'Autochtones, là, tu sais, comme. Ok. des marques de guerre. Mais à Montréal, tu sais, vu qu'on n'a pas le choix de prendre un coach francophone, là, c'est sûr qu'à un moment donné, tu vas prendre le coach deux fois, là. Tu sais, il n'y en a pas beaucoup de coachs francophones qui restent dans la NHL. Mais ça, on peut s'en parler. Êtes-vous encore d'accord avec ça, le coach francophone à Montréal? Moi, ça n'a pas d'importance. Moi, je suis encore lisse, là. Moi, je suis 100% d'accord. Ouais. Que ce soit, ouais. Moi, je pense que le marché de Montréal, c'est un marché particulier. Puis, tu sais, je veux dire, c'est pas comme si. Ça limite en tabarnak. Ça limite choix, en tabarnak. Mais, tu sais, si on avait une équipe en Chine, mettons, je dirais, ah, oh, fuck, on est limité. Mais il y en a des bons coachs québécois. C'est vrai. Je me dis, si on n'est pas capable d'avoir un bon coach québécois, parce que veux pas, ça va te revenir en face. Tu sais, je veux dire, là, le monde disait, ouais, pourquoi ça n'a pas été Kirk Muller, pis ça. Mais tu sais, c'est pas un peu comme le fait de prendre des joueurs québécois par rapport à un autre joueur à temps égal qui est un meilleur. Parce que le coach parle au public à tous les jours. Non, mais ben ouais. Ouais, mais même à ça, tout le monde comprend l'anglais quasiment à Star. Mais anyway, mais je comprends le point. Ouais, c'est un excellent point. Mais peut-être que dans plusieurs années, ça va changer parce que de plus en plus, ça se mondialise. Peut-être qu'un seul monde canadien appartient pas à Mosun, puis ça appartient à un consortium chinois. Check bien les entraîneurs qui vont rentrer là-dedans, mon chum. Mike, là, tu vas avoir tes entraîneurs. Ça va être n'importe qui, là, tu sais. On va vivre ça. En tout cas, c'est pas parce que je suis ça plus va être un dénommé patriote Sam que d'autres. Là, Song. Je pense que c'est important. Puis on s'entend sur une chose, Claude Julien, c'est le meilleur coach francophone de la Ligue. Disponible? Ah ouais, absolument. Ouais, ouais. Non, pas disponible dans la Ligue. Surtout disponible aussi, mais oui. Ben oui, dans probablement. Dans la Ligue oui. francophone, ouais. Oui, présentement, pas ouais. vraiment. Ben, Joël Canville, tu considères comme... Ben, non, il non est parce qu'en français, là, il y a de la misère. Là. Ouais? Il parle un peu français, mais il est anglophone. Vigneault est bon, quand même. C'est un bon coach. Il n'y a, ouais, a pas de résultat. Mais Vigneault, par exemple, c'est le deuxième. Lui, il est plus mean. Puis lui, il n'est pas reconnu comme étant, je pense, un gars super. Vigneault? Ouais. Il a l'air comme peace. C'est peace and love. Ah non, mais ça a l'air qu'il brasse en crise, lui. Là, tu le vois rarement. C'est un gars qui joue aux cartes en mangeant du poulet, ça? Comme Michel Therrien. Je sais pas. Ouais. Alain, c'est quoi la rumeur cette semaine que Michel, c'est un gars qui joue aux cartes, là? Ah ouais, man, j'ai pas entendu ça, moi aussi. C'est quoi? T'as pas vu ça? C'est le Doc Mayou qui a pitché ça. Ah, c'est Mark qui nous a sorti ça dans c'est le chat. Ça, c'est ça. Ouais. Ça a l'air qu'il y avait une rumeur qu'il joue au poker, man, puis c'était drôle, man. Doc Mayou, c'était n'importe quoi, sa chronique, mon gars. Vraiment. Doc Mayou. Là, il dit, comment tu veux donner l'exemple à des jeunes joueurs quand tu passes la nuit à manger de la pizza puis à jouer aux cartes. Tu sais, là, je m'imaginais, là, Therrien, puis le téléphone sonne, puis il est mieux de comprendre. Puis... j'imaginais de poser ça avec ça. Mais c'est comme une rumeur qui sert pas à grand-chose. Puis d'ailleurs, dans cette même émission-là, ça, c'est le 98.5, mais je pense en Mauricie ou quelque chose de même. C'est 88.1, ça? Quelque chose de même. Ah, c'est-tu qu'est-ce qu'on a pas dit tantôt? Peut, on a un exemple tantôt qui s'en vient. Puis l'animatrice a demandé, il y avait Michel Villeneuve qui était là en entrevue, puis elle a dit, là, à cette heure qu'il est dehors, Michel Therrien, vas-tu la sortir ta Christie d'histoire complète, tu sais? Parce qu'il n'y avait pas juste piqué Sauben dans l'affaire du terrain de golf. Ça a l'air qu'il avait parlé aussi contre Jeff Molson. Attends un peu, de comment, ça? De quoi? Tu sais, Michel Villeneuve, quand il a dit de la merde sur Michel Therrien, mais ça a l'air qu'il y avait un autre part, il y avait un part 2 à ça. OK. Là, ils ont il avait dit, moi, je vais le sortir un moment donné, cette affaire-là. Fait que l'animatrice a dit, maintenant qu'il est dehors, sors les dons. Puis il dit, je veux pas frapper sur un gars qui est à terre, puis je le sortirai pas. Mais ça a l'air que ça concerne Jeff Molson, le propriétaire. Ah ouais. Ah ouais. Ça doit être assez savoureux, merci, mais tu sais, c'est un peu inutile, tu sors ça maintenant. Michel Therrien. Ça a comme plus d'impact. Il est parti à Ponta Cana. Ouais, c'est ça. Justement, on va comme. Jeff fait un genre de petit. Parce que pour revenir un peu dans les scénarios de l'apocalypse, on a les 5 grosses controverses de Michel Therrien. On va pouvoir en jouer. J'ai tout préparé ça, les boys. C'est génial, ça. Jeff, générateur de contenu et produit Young Media en plus, on vous le rappelle. Yeah. Première controverse, Therrien, qui n'était pas un grand fan de Subban et de son côté flamboyant, là, les côtes de poêle puis les machines à café espresso dans son walk-in, il n'a jamais eu peur de le critiquer devant les journalistes. Jeff voulait savoir si c'est la raison pourquoi est-ce que Bergevin a échangé Subban. Selon vous. Parce que Therrien ne l'aimait pas. Non, ça peut pas être juste non. ça. Moi, je pense que c'est pas juste Michel Therrien. Moi, je pense qu'il y a une petite paquet de joueurs qui ouais, est plus capable. Tout. Moi, tout, je pense qu'il y a des joueurs qui. Est-ce que Subban ne fait pas l'unanimité entre... J'ai dit ça mal, en estime. Oui, oui. L'unanimité dans tous les vestiaires dans lesquels il passe. Ben, moi, je vais dire, je suis pas mal sûr que oui. Parce que là, j'ai. Carey Price. C'est un gars exubérant. Carey Price était full chummy avec au début. Non, c'est ça qu'on croyait, mais c'est pas le cas du tout. Ça donne. Il donnait l'impression que t'es full chummy avec le genre le triple low five, tout le kit. Puis, en réalité, c'est deux personnalités qui ne fonctionnent pas ensemble. T'as un exubérant, puis t'as le gars, genre, le plus stoïque de la planète. Puis le pire, c'est que ça me fait penser à une bande dessinée de Looney Tunes, là, où il y avait un gros chien costaud, puis un petit chien fatigant qui disait On est copains. Puis il tournait en entour, puis il tournait autour du chien, puis le chien, il donnait une tape, puis il le tassait. Je sais pas si ça dit quelque chose. Ouais, là. Ouais, Subban, c'était ça, je pense, avec Carey Price. C'est Two Stupid Dogs. Les gars en face. Two Stupid Dogs. Ouais, c'est ça. Mais je sais que Carey Price, il s'en colle 7, lui, puis je pense qu'il irritait beaucoup de personnes aussi dans la chambre. Ben, c'est sûr, Bergevin, c'est clair qu'il trippait pas non plus sur son style. Là. Mais je veux dire, on peut pas cacher un fait. C'est Subban, partout où il va passer dans les nationales, puis je pense qu'il est pas à sa deuxième équipe. Là. Il va en faire d'autres. Moi, ouais, je pense pas qu'il va finir sa carrière à Nashville. Il finira pas à Nashville, ce gars-là. Oublie le projet. Là. Non. Puis c'est sûr et certain qu'il va taper ses nerfs d'une bonne partie. Peut-être pas tout le monde, parce qu'il y a du monde qui vont le trouver drôle. T'sais. Moi, je serais le genre de gars, je l'aurais dans mon vestiaire, il me taperait peut-être ses nerfs, mais en même temps, je le trouverais drôle. Tant qu'il n'est pas trop après moi, genre comme je serais correct. Ben, cette semaine, à la radio, il y a eu une histoire qui est sortie sur Subban. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? On le sait pas. Je propose qu'on l'écoute. Je veux rien dire parce que moi, je trouve ça incroyable. Si c'est vrai, ça n'a même pas de bon sens. Fait qu'on écoute ça. Parle-nous du cellier de piquer Subban. Non, mais Joe, ça n'a pas de sens. Parle-nous du cellier à piquer à Nashville. Les gens, là, écoutez bien ça. Là. L'autre, quand on était avec moi, puis je te venais parler, là, les gars m'ont raconté, Gilbert Delorme, Lando et compagnie, les gars étaient tous là. Là. Ils ont raconté que Subban avait demandé à la direction de l'équipe de lui mettre un cellier dans le vestiaire, puis qu'après la deuxième période, le soigneur devait préparer une coupe de bouteilles de vin pour prendre après le match. Moi, quand je t'ai conté ça, un peu comme quand je l'ai entendu, j'ai reposé la question en disant, mais faites-vous ça pour une farce? Vous me dites-vous ça pour me niaiser? Mais non, on ne dit pas ça pour te niaiser. On peut s'en parler. Ben oui, tout le monde en parle à Montréal. Ah, ben oui, parce que j'ai vu Stéphane Langdo se revirer de bord et dire, oui, regarde, j'entendais une conversation, puis c'était sérieux, là, c'était pas... C'est pas pour le fun, pour se rendre intéressant, là, sincèrement. Là. OK, attends un peu, ça passe à où, ça, là? Je pense que c'est au 98.1, c'est un radio. Ouais, c'est ça, c'est peut-être la Mauricie, probablement, là, mais c'est un poste FM. Là. Je sais pas si c'est vrai, mais c'est vrai, là. Tabarnak, c'est le country club. Mais ça me surprendrait même pas de lui. Mais c'est ça l'affaire. Ça, on dirait que. Mais après avoir vu justement la machine à café dans le walk-in, ça se pourrait être. J'ai l'impression qu'ils vont nous sortir des affaires de même de Subban. Puis, tu sais, il n'y a pas personne qui va faire comme, hé, voyons donc! T'sais, c'est comme pas impressionnant. C'est comme, on dirait que tu t'attends à ce genre d'événement-là. C'est pas impressionnant, mais il demande quand même au soigneur d'aller décanter du vin en deux périodes. Ben ouais, imagine, c'est un gars genre, il se coupe la cheville, puis ça saigne, puis il dit « Attends, il y a les mains pleines de bouteilles. » Ça serait ridicule. Mais il y a une affaire qui est sortie après le match des étoiles. après le concours d'habileté, il y a toujours comme un petit party on boys là, pour avoir du fun puis prendre ce relax. Là. Tous les gars de la ligue, ça a l'air qu'ils étaient tous avec des gears de leur équipe puis du match des étoiles. Quand Subban est rentré au party, il était bien en complet, esti, cravate, chapeau, gros manteau, esti, puis il se promenait là, puis avec le menton dans les airs. Il y a un journaliste qui a sorti l'article puis il a dit la nouvelle, puis il a dit piqué Subban, il a même pas l'air d'un joueur de hockey de la NHL. Il a l'air d'un joueur de la NBA. C'est ça. Il n'est pas dans la bas de ligue. Puis d'après moi, à cause de ça, Subban, Chris, il va se promener peut-être d'équipe en équipe, exactement comme tu as dit tantôt. Ben, moi, je serais pas surpris, sérieux. Je sais pas si Toronto prendrait une chance ce type de gars. De gars-là. Ben, peut-être parce qu'il est de la place. Là. Vegas, man. Ah, Vegas, il va avoir leur singe pour eux autres, c'est un spectacle. Il fitterait là-bas, je pense qu'il aurait son réseau de proxénètes. Il pourrait mettre des machines à sous, man, dans la chambre. Ah, c'est sûr. Il y a déjà le chandail des statues chapeau, en man. Or de lui, des or. Les saunas. Il va comme collecter comme son pimp. Là. Il va pouvoir enfin laisser sa commandite de RW et je sais pas quoi, de linge que je vois sur Facebook. des cravates à 400$, on s'en colle, est-ce que tu dis? Oui, on parle pas de Subban, on est là pour. Qui mange, qui mange la merde. Entre hommage à Terrien. Deuxième quel hommage. En sachant, c'est controverse. C'est des super hommages. Deuxième controverse, en 2013, en novembre 2013, le CH avait 2 victoires en 8 matchs. Et puis Pacchio avait remis le système de jeu de Terrien en question devant les journalistes. Ouais. Ça, c'est quand, ça? En 2013. C'est en 2013. Okay, la saison après le lockout. Est-ce que vous pensez que Terrien avait une bonne relation avec son capitaine? Moi, je dirais comme... Une fausse bonne genre, relation comme celle comme, de Piqué et Pacchio non, pas immédiat. Non, mais... Ah, ouais, peut-être. Mais je dirais comme in and out. Je pense pas que... In ben, quand ça va bien, puis... Ça, c'est mon crise d'opinion à moi, là. Je veux dire, il y a pas rien, j'ai aucun fait par rapport à ça, mais tu sais, moi, je pense que c'est comme... Il était comme un peu indifférent. Il tripait pas peut-être sur le personnage puis sur le gars, mais tu sais, il dérangeait-tu plus que ça? Je pense pas non plus. Mais en même temps, c'est un coach défensif, puis on s'entend-tu que Pacioretty, tu sais, je veux dire, c'est un gars qui est one trick pony, là. Fait que c'est un scoreur, là. Ça, en même temps, ces affaires-là, tu sais, de gars, tu sais, de joueur là, qui est pas en amour avec le coach, puis tu sais, à un moment donné, c'est ton coach. C'est comme ton boss, t'as beau pas l'aimer. C'est comme ton boss. Tu peux l'aimer, tu sais, beaucoup. Pas beaucoup, tu peux le détester. Mais tu sais, à un moment donné, à la fin de la journée, là, fais ta job, puis tu sais, t'es pas obligé de triper dessus, à plus finir. Mais je vais dire de quoi, là, puis ça va paraître bizarre, là, mais... Vas-y, Dave. Benoît Brunet, cette semaine, a dit quelque chose que j'ai trouvé intéressant. Quoi? Ouais. Puis c'est rare qu'il dise quelque chose d'intéressant, mais je comprenais le point de vue, puis j'étais comme un peu d'accord, puis c'est vrai que ça doit être un peu comme ça. Puis c'était après le point de presse de Bergevin cette semaine. Il a dit, dans un vestiaire, c'est comme un tiers, un tiers, un tiers. T'as comme un tiers des joueurs qui n'aiment pas le coach, t'as un tiers des joueurs qui l'aiment, puis t'as un tiers qui s'en calisse. Qui sont là pour jouer. Mais je pense que ça doit ressembler à ça en Christ. C'est super logique. C'est comme... Puis c'est normal en même temps. Comme une classe d'école, dans le fond, t'as des chouchous qui s'offrent, puis tout ça, là. Mais on va aller foncer la période. Tu sais, d'après moi aussi, malheureusement, dans une équipe sportive, je pense que c'est important pour un coach d'être proche de ses vétérans, oui, surtout pas de son capitaine. Tu peux pas aller rejoindre tout le monde, c'est impossible. Non, mais arrange-toi de rejoindre au moins tes joueurs importants dans le club. Oui, tes joueurs clés, c'est ça. Parce que c'est eux qui sont c'est ça qui va te couler. Ton corps, là, dans le fond. Mais oui, t'as pas le choix d'être chummy avec eux autres, là. Tu sais, regarde. Mais faut pas que tu sois. Ouais, mais attention, chummy, il faut qu'on s'entende. Chummy aussi. Mais il faut qu'il y ait un respect mutuel, puis que un travail d'équipe, pas juste, tu vois, juste écrire son nom sur le board, tu vois juste sur tel trio, puis après ça, ça se palle pas. Je pense que de là où Julien a un gros plus, mais on va en parler plus tantôt, là, mais c'est, tu sais, chummy, peut-être pas tant chummy comme faut que tu saches bien motiver tes gars, puis les flatter dans le sens du poil. Peut-être que ça va être la force de Julien versus Terrien. Ouais, parce que c'est pas le genre à... Tu peux pas réprimander tes jeunes parce qu'ils font des erreurs. Tu sais, t'es non, ouais, t'as rien. Non, la laisse était courte en crise. J'ai quoi par rapport là à ça tantôt? Ouais. Bon, on va essayer de se clencher les trois qui clenche restent. Clenche les trois petits points. Là. Après la défaite de 10-0 contre Columbus... Plate. Quand ils ont regardé Montoya dans les nets, là, après pour la défaite de 10-0, est-ce que Terrien a pris la bonne décision de le laisser là? Là, ce que je veux en venir, là, c'est que comment vous sentiez-vous si un de vos chums se ferait humilier? Moi, j'ai trouvé ça vraiment crissement bizarre. C'était très ordinaire. Puis même si après, il a dit, on y a parlé à Montoya, puis c'était ça le plan. Puis je on comprends, voulait là, mais... Je comprends, mais tu peux dire, regarde, là, man. Là, ça va pas asseoir. Il dit, regarde, on met Price, puis à la limite, on reviendra avec toi demain, ou peu importe. Là, il était pogné dans une petite bébelle, là, que Price, pas deux jours de suite. Là. C'est quoi? C'est un bibelot, tabarnak? Ben, c'est comme si Price, il le traitait comme si c'était une petite fillette. Ah oh, ouais, faire attention. Ouais, il est fait ça en porcelaine. Pensez-vous que Price, ça le faisait pas chier? Parce que tout le monde l'a vu à TV. Là. Il s'est chauffé, Chris, en deuxième. Oui, il a mis ses gants, il a mis son cas, je pense, même et tout. Là. C'était normal aussi, c'est le réflexe de n'importe quel goaler quand il voit où ce que c'est rendu et que je vais embarquer. C'est ça, il était prêt. À mon tour. Ben oui. Ah, j'ai trouvé ça une décision stupide. Mais après ça, ils l'ont refait à Price et ils l'ont laissé. Mais Price, il a comme... Ben, il a dit non, je vais rester parce que je pense que Price, la fois qu'il s'est fait crisser, qu'il s'est fait, j'en comptais à peu près ça, une dizaine. 7 buts, je pense qu'il y a eu Price. Buts, ouais. Ouais. C'était comme Minnesota. Puis je pense honnêtement que Price, il l'a pris pour... Pour son chum, pour son coéquipier. Un peu pour son partner de team en se disant, genre, lui, il l'a pris, moi, je vais le prendre aussi. Ben, l'affaire qui est surprenante aussi, là, quand il y a eu la conférence de presse, là, Terrien, il disait que c'était une décision d'équipe. Tu vas voir les joueurs témoigner. Pacioretty, le capitaine, il disait, c'est pas notre décision. C'est weird pareil, hein, quand même. Là, c'est comme deux choses complètement différentes. Ouais, ben comment là tu veux consulter toute ton équipe? Ouais, là, qu'est-ce que vous en pensez? Puis, qu'est-ce que tu veux, est-ce que André Ghetto puis l'autre, est-ce qu'ils disent « Ouais, là, moi, je pense que telle affaire, là, c'est pas un vote, est-ce à main levée, ça, là? » C'est par applaudissement, qui c'est qui le garderait, qui c'est qui l'enlèverait? Là? Non, c'est à toi à décider, puis c'est à toi à imaginer ça va être quoi l'impact sur l'équipe, puis l'impact sur l'humain aussi, sur Al Montoya. Ben, ça aurait été correct. Tu le brûles non plus, ce gars-là. Ça aurait été correct qu'il y ait des coachs en discutent avec les joueurs avant, là, qu'est-ce que vous diriez là, qu'on je laisse pense, Montoya? Je pense comme ça, c'est pas la responsabilité des joueurs. Là. Eux autres, il faut que ça focus à la game, puis jouer votre game d'attaque ou de défense. Puis sauf que pas tu le te sens là mal si ton coquille se fait comme. Non, mais moi, je pense à la base publique. Non, t'en parles avec le gars concerné. Puis déjà là, c'est le max que tu peux faire, je pense. Là. C'est ça, tu mais peux pas commencer à parler à toute l'équipe aussi au complet. Qu'on sait pas, puis que ça a été dit dans les médias, c'est que Montoya, c'est comme genre, tout le monde l'adore dans le vestiaire. Il est tout le temps proche des joueurs, il est tout le temps fin qu'eux autres. T'sais, c'est comme ces gars que tout le monde trippe dessus. Ouais, tout le monde disait ça de Boudaï aussi. Ben, je pense que c'est un petit peu la job du deuxième quand goaler. Un deuxième goaler, je pense que c'est ça ta job. Ouais, tu genre, tu vas cheerer tout le temps tes gars, puis t'es correct, t'es motivé, puis tout le monde l'aime. T'sais, tout le monde l'invitera à son mariage quasiment. Mais je pense que les gars, d'après moi, ça, c'est un côté qui a peut-être fait que le tiers des joueurs qui trippent sur Toyen a peut-être encore un peu qui sont partis du bord, qui laissent. Ouais, tout le monde l'inviterait à son mariage, mais tu le mets pas dans la première rangée. Là. Montoya? Ouais. Mais tu sais, juste ben, que. Tu l'invites pareil. Ah, genre, tu colles dans le tu fond. Tu le saoules, puis t'espères qu'il chante une toune. Mais c'est là que tu vois que le temps atterrien était fini. Tu sais, quand on est rendu, qu'on dit, ouais, là, il l'a laissé là, puis là, la fois d'après, Price est resté pour backer ça. Tabarnak, man. Tu sais, c'est la job du coach à un moment donné de décider qu'est-ce qui est le mieux pour l'équipe, puis qu'est-ce qui est le mieux pour le goaler. Pis, c'est ça. OK, 4 buts, 5 buts, out. Viens t'en, mon chum, viens te reposer. Ouais. L'autre, il rentre. Puis après ça, tu vois comment est-ce que le match, il. Mais peut-être aussi que lui-même, il se remettait comme en question, rendu. Terrien? À ce moment-là. Fait qu'il je trouve que Terrien, à partir de ce moment-là, a commencé à faire toutes sortes d'affaires bizarres. Ouais. Moi, je peux te confirmer une chose. Pour le type de personne que Michel Terrien est, c'est un gars qui est tellement orgueilleux là, que lui, il revient jamais à sa décision puis il regrette jamais ses choix. Mais c'est ça, il l'avait écrit sur un papier avant. Là, Al Montoya va gauler toute la game parce que Price va gauler demain. Fait qu'il a stické in. Il a respecté son plan. Puis ça, je vais en parler tantôt. Là, mais ça fait partie de la personnalité de Michel. Ça l'a marqué sur le poignet. Il l'a marqué sur le tableau dans la chambre. Tu sais, un tableau blanc que tu peux effacer, mais avec un crayon qui s'efface. Lui, il l'efface, il mettait son doigt dans la bouche, puis il l'efface avec son doigt. Là. Avec sa bave de goût de poulet. L'acétate là, que les profs faisaient. L'acétate. Quatrième controverse, cela est long, là, Jeff, fait que tu me diras si je l'ai dit comme du monde, mais okay. T'as rien déjà que critiquer Pacheco qui allait pas chercher la rondelle, puis après ça, il a dit l'inverse de Chucky. C'est ça. Si on retourne à peu près une couple de mois là, pendant le show, là, il y a eu des audios que j'avais sortis. Où ce qu'un journaliste qui est Marc-Antoine Grondin de la presse, il a posé une question à Terrien. Ça, c'est dans le temps que Pacheco ne connaissait pas une bonne séquence. Puis cette année, ça? Ça, c'est cette année, au mois de novembre. Fait que là, Grondin pose la question, il dit, tu sais, qu'est-ce que tu penses du jeu de Pacioretty? Fait que là, c'est là qu'il a sorti. Il dit, ben, tu sais, quand t'as pas rondelle, puis la rondelle, t'as d'autres bouts, il faut pas que t'attendes après l'autre pour aller la chercher. Il faut que tu y ailles la chercher. Puis après ça, il montrait l'exemple de Galchenyuk puis Paul Byron. Il dit, quand la rondelle est l'autre bord, là, c'est Alex qui va chercher. Il attend pas après Tipol pour aller chercher la rondelle. Puis l'affaire qui est arrivée, c'est que là, il a comme dénigré son capitaine pour remonter un gars de quatrième trio. Parce qu'on s'entend que Paul Byron, c'était un gars de quatrième trio au début de saison. On pensait pas qu'il compterait 15-16 buts à date. Là. Ouais, là, il est mort aussi. Il dénigre son capitaine. Puis le lendemain, il dit, ah non, c'est pas ça que je voulais dire, mais la question est claire. C'était Pacioretty, qu'est-ce que tu penses de lui? Puis il dit ça. Fait que moi, je pense encore là que t'as rien. Là, ce que j'aime pas de lui, c'est qu'il s'amusait à critiquer des joueurs devant les journalistes. Puis il l'a fait souvent, ça. À Pittsburgh, il l'a fait avec ses défenseurs. Ils ont callé out. Il a callé out Subban. Il a callé out Pacioretty. Quand tu commences à dénigrer tes vétérans, là, c'est sûr qu'à un moment donné, tu vas commencer à perdre ton vestiaire tranquillement, pas vite. Tes chouchous, t'en restes plus. Là, surtout quand Dernay est blessé. Là. Il est plus là pour te tenir la main. Là. Ouais. Faut dire aussi que ça fait partie du personnage. Tu sais, quand tu connais le background de Michel Therrien, avec les prédateurs de Granby, avec les Morissette, puis le Titan de Laval, tout ça, c'était pas des gars là, qui y allaient avec des gants blancs. Avec le dos de la main morte. Avec le dos de la main morte, ça te donnait des coups de poing sur la gueule, ça s'envoyait chier à tour de bras. Ah, ouais. Michel Therrien, c'est pas le gars. Il était élevé par les Morissette, puis Georges Larac jouait pour les prédateurs de Granby dans ce temps-là, puis aujourd'hui, Georges Larac, il l'aïe pour mourir. Michel Therrien, là, il a, à part peut-être Bouillon, là, je trouve pas qu'il y a beaucoup de vétérans qui respectent Michel. Aujourd'hui. Ils vont pas le dire publiquement, mais je pense pas qu'il y en a. Je pense pas aimé comme Jacques Demers. De la main. Il est pas aimé Jacques Demers, tout le monde l'aime. Il n'y a personne qui va parler en mal de Jacques Demers. Mais Michel. Puis dernier point sur 5. Est-ce qu'il y avait de la tension entre Carey Price et Michel Therrien? Est-ce qu'il faut encore évaluer le look que Price donne à Therrien Avec le recul, peut-être un peu plus, mais. Mais c'est pas ça qui a mis Therrien dehors. Là. Non. C'est plusieurs facteurs qui ont touché le fait que Therrien est dehors. Je pense pas que. Écoute, c'est dur à dire, là, mais je pense pas que Therrien. Mais je pense pas que Carey était fan de Therrien tant que ça. Je pense que c'était correct le temps. Probablement. Je pense pas qu'il y a de quoi compte non plus. Il est peut-être juste. Tu sais, je veux dire, c'est pas. Un c'est... autre indifférent. Ouais, probablement que ça doit faire partie des indifférents penchant peut-être vers le genre. Mais rappelez-moi, c'était quoi le contexte de ce game-là? Il s'est fait enlever. Il s'était combien c'est, le temps? Ce qui est arrivé, là, c'est 5, que c'était 4 buts, je pense. Ouais, c'était 3-0 après une période. Puis il commence à deuxième, puis il décide de garder Price encore. Puis Price se fait scorer dans les premières minutes. Là, il a décidé de l'enlever, mais devant tout le monde au Sandbell. Puis Price s'est mis à regarder Terrien. Ouais, c'était pas à San Jose, la game? Non, c'était à Montréal. Ah, oh, je pensais que c'était à San Jose. C'était à Montréal. Il y a eu un très beau gif, d'ailleurs, avec du feu, man, dans les yeux. Ouais, c'est ça. Fait que le monde a commencé à dire que, ah, oh, il regardait Terrien. T'sais, c'est dur à dire, c'est dur à saisir. Tu peux pas savoir exactement ce qu'il faisait. Oui, il regardait au banc, mais... Je pense pas que. Tu sais, il était en crise, le gars. Mais honnêtement, là, tu peux regarder dans une direction, puis tu peux pas savoir. Il y a deux personnes qui savent qui s'est fait regarder, puis c'est Price, puis le gars qui s'est fait regarder. Là. Si le gars s'en est rendu compte, gars il s'est regardé vu, aussi. Si le regardait en même temps, exact. C'est ça. Mais... Parce que je veux dire, je pourrais regarder dans une direction, il y a trois gars à peu près pareils, là. Ben, personne qui est capable de dire c'est qui regardait exactement. Il aurait pas regardé une fille esti qui avait boule à l'air dans la foule, puis on le savait même pas. On s'entend-tu que quand il est embarqué sur le banc, il avait pas l'air d'un gars qui regardait une fille avec les boules à l'air? Là. C'est c'est pas. Quoique, on sait pas. Price, il n'y a pas beaucoup d'émotions. Peut-être que quand, c'est ça qu'il y a de l'air quand il regarde une fille avec les tatons à l'air. C'est ça, il est parti dans la vaisselle vite parce qu'il avait hâte d'arriver là. Tu sais, le monde, on comparait ça avec l'histoire de Patrick Roy. Là. Ça, c'est exagéré au bout. C'est pas la même affaire. Non, c'est deux contextes complètement différents. Mais l'affaire aussi de Michel Therrien, lui, il était pas du genre à donner des tates dans le dos puis encourager ses joueurs. Il le faisait pas bien, bien. S'il le faisait, c'est parce qu'un journée, il s'est posé la question. Puis je pense que le problème à Montréal, c'est que ça a fallu qu'on engage Kirk Muller à 3,5 millions par année pour donner une tape dans le dos aux joueurs. Parce que Michel, là, tout ce qu'il faisait dans les games, là, c'est qu'il se mettait des mains dans les poches. Hey, t'as-tu déjà vu ça, un coach qui avait eu quasiment 6 ou 7 assistants entraîneurs, est-ce-t-il? Dans le fond, Galant, il était là pour faire la job d'être chum. Le good cop, mettons. Le good cop. Puis quand ils l'ont perdu, ça a fait comme « aïe aïe, man ». On a besoin d'un. Il a pris Daniel Lacroix faire le good cop, puis Daniel Lacroix, comme... Daniel Lacroix, mais ça, c'est une nasty drop, là. Ouais. Puis après ça, ben c'est ça, l'année passée, ben ou pas l'année passée, mais pendant la saison morte, ils sont allés chercher Kirk Muller, puis, tu sais, je veux dire, on s'entend-tu que Kirk Muller, il est respecté, il est aimé de tout le monde. Oh, ouais. Tu sais, je veux dire, Chris... C'est ça, puis il connaissait quand même une bonne partie de l'équipe, parce qu'il était là, une couple d'années aussi. Fait que c'était rien, là, son problème. En plus, les petites madames, ils l'aiment bien, Kirk Muller. C'est que, tu sais, il a tellement délégué du monde à faire des affaires, c'est rendu que lui, il fait juste caler les shots. Puis l'autre affaire que j'aime pas de Therrien, là, c'est que c'est un gars qui n'a pas été capable de s'ajuster en cours de route. À chaque fois qu'on a eu des bons débuts de saison... Il n'a pas été capable de s'ajuster en cours de route, mais en même temps, quand ça fait 5 ans que tu es là, je pense que ça devient très dur de t'ajuster. Tu fais ta cour de ressources. À moins, comme qu'on disait tantôt, que tu gagnes. Mais que genre, c'est tout le temps vers la fin que ça marche plus. Puis on peut-tu dire que Price a faussé un petit peu donné aussi quand il a connu sa saison, là, qu'il a gagné le R puis il était hallucinant. Là. Ouais, peut-être. Oui, peut-être. Mais tu sais, Therrien, au final, il sort de là avec 271 victoires, 178 défaites. Quand même, 74. C'est le 37e meilleur entraîneur de l'histoire de la Ligue nationale. Tu sais, il y a juste son premier passage avec le CH qui était à FNAF 77-77. Première expérience dans la Ligue. Ouais, mais il était jeune, c'est ça. Je me souviens encore de son esti de veston doré, là, puis il avait les bras de main. C'est à cause de lui, tabarnak, qu'on a perdu la série contre les Hurricanes. Cette année-là, on aurait gagné la Coupe. Esti. Pourquoi c'est à cause de lui? Parce qu'à un moment donné, là, c'était contre les Hurricanes. Là, je pense que c'était. Attends un peu, là, esti, Malette. J'aime pas le commentaire que tu viens de dire. Il y a trop d'impondérables. Tu peux pas dire parce qu'on a perdu contre les Hurricanes, on aurait gagné la Coupe. Non, mais si je te mets dans le contexte, là, c'est que à ce moment-là, tu peux pas savoir. On menait 2-1 dans la série. On s'en allait prendre les devants 3-1 en série. Là, on menait 2-1, je pense, ou 3-1 contre les Hurricanes. On pogne une pénalité. Là, c'est avantage numérique, les Hurricanes. Puis après ça, ce qui arrive, c'est qu'il y a eu un call, puis Therrien a décidé d'envoyer chier l'arbitre. Puis il a vraiment dit... Puis il a donné une pénalité au banc. Les Hurricanes ont compté 2 buts dans cette power play-là à 5-3, puis après ça, 5-4. Puis ça fait 3-3, puis on a perdu la game, puis on a même perdu la série. Puis il y a un joueur du Canadien qu'on ne sait toujours pas l'identité. C'est Brisebush, certain. Là. Il y a quelqu'un qui a dit à un journaliste du Journal de Montréal que c'est à cause de ce petit drap-là qu'on a perdu. Puis l'année d'après, le Therrien s'est fait. Avec son veston doré, c'est-tu. Ah, j'allais encore dans la face, cette image-là. Le Therrien, c'est un gars qui aimait ça show off avec son style. Puis c'est un gars, je trouvais que s'habillait bien, Michel, quand même, malgré le fait qu'il y a une petite grosse bédaine puis une gorge grosse de main. Là, il y avait un style. Ouais, mais il y avait du linge laid en crise. Ça dépend des fois. T'sais, il était comme des styles des années 50. Je suis sûr qu'il y avait des. Ouais, ouais. Tu parles de quel. Les deux Michel. Michel dans le temps qui était fou, puis de Michel qui était plus sage aujourd'hui. Michel qui était fou. Michel, ah ouais, qui arrivait de, ouais, Michel qui arrivait ça, de Granby. Terrier, la première fois qu'il était à Montréal, si à un moment donné. Ici, si il a pu porter un genre de veston gold. Là, c'est genre, parce qu'il était vraiment en confiance. C'est le genre de gars qui aurait pu porter un veston en pied de poule. Chris, la première, ça, c'est un coach qui était vraiment émotif. Puis je me souviens encore, moi, j'étais au Centre Bell quand Zenek a mangé le coup de la garde à linge. Là, Terrier était sur le banc, là, puis il avait regardé Robbie Fitterek, qui était le coach des Blues, là, puis il avait fait ça de même. Puis je l'avais vu. Un coup de gorge. Ah ouais, un coup de gorge. Puis on a gagné ce série-là, c'était magique. Théo était incroyable. Genre le gros de poulet coulait. Puis quand on perdait, là, puis que ça allait pas bien, là, les journalistes, même, là, je le vois, tu sais, il l'écrivait, là, Terrien, là, des fois, il avait ses jointures pleines de sang parce qu'il tapait dans le mur tellement qu'il était en tabarnak. Ah oui, mais Michel Terrien, dans une autre vie, il a déjà été garde du corps, ce gars-là. C'était un bon des avant gars. Ça, ouais. Ouais. Ah ouais, wow. Ouais, c'était un tough, ce gars-là, là. Ben, j'aimerais ça, lui, qu'il me lise mes lois, là. Tu comprendrais rien, man. Mais tu comprendrais, tu finirais par comprendre. Ah, j'espère qu'il va comprendre. Ah, c'est quelque chose. Que sacré c'est, Michel. C'est la fin de l'histoire de Michel Therrien avec le Canadien. On est bien triste parce qu'on a commencé le premier épisode de la soirée du podcast, la première saison, puis la photo, c'est Therrien Bergevin qui se serre la main. Vous irez voir les. Ah, la première photo de votre c'est premier ça, show. Ça, le début l'épisode de la soirée 1 du podcast, de la saison 2012. Ils ont engagé Therrien. C'était Lambeau. Engage Bergevin, wow. Therrien, puis c'est, là, s'il donnait la main, puis 5 ans plus tard, ben là, il s'en va. Puis là, mais pour moi, pour vrai, moi, je l'ai aimé, Michel Therrien, mais je pense juste qu'il était rendu. Il était rendu. Ben c'était fini là. Moi, ce qui me fait chier, c'est les haters qu'aujourd'hui, genre, ils doivent. Ben, c'est ceux qui vont dire qu'il avait raison. Fabuler ben raide, là. C'est comme, on savait Therrien, c'est ça, mais si vous êtes toute une petite gang de mangeux de merde, si vous pensez vraiment que Therrien, c'était pas un bon coach. Chris, le gars, il a fait la job en Chris, puis il a ramené l'équipe où ce qu'il fallait qu'on soit. Puis je m'excuse, mais Chris, on n'a pas un team là, à tout casser non plus. Là, c'est quand même fait mettre dehors avec un club premier de sa division. Fou, c'est vrai ça. Ouais. Ils sont pas dixième, là, Chris. Ouais. Là. Mais un club premier de sa division. Deuxième dans la conférence. Ça dégringolait un peu. Premier de sa division qui était rendu genre avec une fiche de 14 victoires, je sais pas combien. 18 défaites, puis je pense 7 défaites en prolongation. Depuis genre le mois de novembre. Là. Ouais, après notre séquence de 13-1. Fait que tu sais, c'était comme. Il jouait pour même pas 500 depuis le mois de novembre. Fait que tu sais, si ça avait pas été du début de saison, super hot du Canadien, il serait pas premier de leur division. Un yogo périmé, c'est, man. C'est ça, comment? Un yogo périmé. Ouais, c'est ça, tu commences à le manger, puis c'est dans le fond que t'arrives, ouais, tu arrives. Tu fais comme un Chris, je le crisse au vidange. Fait que ça fait le tour de la période, fait qu'on va aller faire une entraque. En deuxième période, on a des extraits de Bergevin qui va commenter justement le renvoi de Therrien. Et pour la première fois au podcast, des extraits de Claude Julien. Ah, ben, calice. Et en troisième période, restez là parce que critique littéraire de Seb qui va nous parler du livre 210%. Littéraire. Fait qu'on fait une entrée qu'on vous revient. Littéraire. On est de retour pour la deuxième période. Mais avant de partir de la période, parce que ce soir, tu sais, on sort du format habituel parce que, bah, parce que c'est jour de fête. Therrien s'en va, Julien arrive, mais j'aimerais. Jour de fête, ouais. J'aimerais parler de nos deux cabochons en ce moment là, chez le Canadien. Beaulieu et Galchenyuk. Qu'est-ce qui se passe avec ces deux gars-là? Sont-ils trade bloc? Ça fait son gros party. C'est la grosse brosse, mon chum. Là, ils prennent des mauvaises décisions sur la glace, puis je trouve qu'ils prennent des mauvaises décisions hors glace aussi. J'ai deux petites vidéos à vous montrer. Bon, je m'excuse tout le monde, c'est en audio, ça va être très rapide. Premièrement, Galchenyuk qui fait un beau coup de hache. Regardez-moi ça à l'écran ici. Ça, c'était en fin de partie ici. Ouais, mais attends, là. Il donne un. Il se passe là. Ouais, mais il perd l'équilibre à sa défense. Il perd l'équilibre un peu quand même. On va le revoir. Comme dirait Benoît Brunet. C'est pas comme celui-là de Nyquist. Non. C'est-tu Nyquist? Ouais, c'est Nyquist. Ouais. Nyquist, là, mon gars, c'était un coup d'en face. Je pensais que tu parlais d'Antoine Vermette. Nyquist, là. Qui est suspendu du game pour avoir frappé un arbitre. Ah, mais. Ouais, ça, c'est d'autres choses. Mais Nyquist, là. Il s'est même pas présenté aux auditions en plus. Ah non. Nyquist. Mais là, on va voir le replay ici. Moi, je suis d'accord, puis Benoît Brunet l'a toujours dit. Là, un joueur de hockey, là, c'est devrait être responsable de son propre bâton. Puis c'est pas Benoît Brunet qui dit ça, c'est Marc Denis. Ouais. Puis là. Il est responsable de son bâton, il mérite une pénalité, mais il mérite pas d'être suspendu pour ça. Non, ben, tu sais, c'est pas un coup délibéré. Mettons que c'est pas trop forcé pour le manquer, pour on pas le manquer. Le replay, ouais, filles. Mais je sais pas si c'est délibéré comme coup. T'sais, tu vois vraiment qu'il perd l'équilibre. Ouais. Là. Il se fait plaquer dans la bande, puis il perd l'équilibre, puis son bâton lève. Il est responsable de son bâton, 4 minutes, 2 minutes, 4 minutes, go for it. Mais tu peux pas suspendre le gars pour ça. OK, ouais. Mais il avait entamé un peu un geste, mais c'est comme un duo perte d'équilibre. Il n'y a pas comme une intention très... Moi, j'aime tout. Ouais. Tu sais, il a pas regardé le gars. T'as-tu vu ça, là, de Nyquist? Il regarde le gars carrément, puis il te slash c'est ça. C'est comme le coup de McSorley sur Brush. C'est ça, man, j'espère. Il y a eu, parce qu'il s'est pas présenté aux auditions, il y a eu automatiquement, je pense, 5 matchs. parce qu'il ne s'est pas présenté à son juste à cause de ça, 5 matchs. Ah ouais. Il y a 5 matchs à cause de ça. Puis là, la décision. La décision, je ne l'ai c'est pas entendue. C'est Iron Maiden qui parle. Ouais, c'est fait que ils ont bien fait. Tu ne te présentes pas dans l'audition, mais il faut être grand. Ah ouais, c'est rien que ça à faire. C'est ça. Tu es suspendu. Ben oui, vas-y. Mettons que ça, c'était borderline. Je pense que le geste de Beaulieu, par contre, ça, on c'était a Beaulieu, vraiment si je n'importe le mettre, quoi. Le geste de Beaulieu, je ne l'ai pas vu. Là, c'est un gif sur repeat. Mais ah oui, oui. Beaucoup des gars de Shara. Ah oui, ça l'air non, ça, un petit peu. Mais ça, en même temps, parce que c'est Shara, je trouve ça... Ouais, mais il y a une chance que Shara, il n'y a pas 30 ans là-dessus, parce que Shara, il aurait arraché, il aurait pitché dans les estrades, il aurait... Non, Shara, là, il a tout le temps été un peu de même. Quand il mange des coups genre de type salaud, il joue la comédie, là. Il a été souvent comme ça, Shara. Là. Ben après ça, il s'arrangeait pour ramasser le gars. Ouais, mais là, Chris, tu vas ramasser. Ouais, oui, mais là, effectivement, là, oui, il a plus 30 ans. Un beau petit coup sur le gland. Parce qu'à un moment donné, je me souviens des affaires de Shara, là, il pognait le monde puis il était violent. Mais ça, ces coups-là, man, je trouve ça tellement... C'était inutile. Puis ça, je trouve ça vraiment imbécile de la part de Beaulieu. Ça, c'est pareil comme... Tu sais, Marchand, genre... Il avait déjà fait Marchand aussi. C'est un bon joueur. Pas Lundqvist. Lucic, il l'a fait. Ouais. Tu sais, je veux dire, c'est dans le genre de machin donner un coup de tête en arrière de la tête à Plecky. C'est ça. Moi, c'est des coups que je trouve tellement inutiles dans le sport. Ça sert à fuck all. Puis ça devrait pas passer. Ça devrait être un coup de main, ça devrait être une suspension. Ouais. Ça, c'est des coups que j'appelle des espèces de petits coups d'émotion. Là. Tu sais, tu retournes quasiment en enfance avec ça. Là. Wow. Ouais, t'as un frère ou une sœur, elle passe à côté, tu lui donnes un petit coup de coude. Tu sais, c'est de la frustration. C'est comme une espèce de geste spontané. Là, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est comme combustion spontanée. Au hockey, ça arrive. Ça arrive souvent parce que même quand tu joues au hockey dehors, si dans le cours d'école, je prends des coups de cochon de même, ça arrivait à l'occasion. Ben oui, les gars, ils passent en arrière de toi. Si tu sais, la jambe, tu donnes un coup de coude. Genre bête, là. Un coup de poignard. Ça déjeunait vite en condice, toi, avec toi, malade. Mais ça, c'est la jambette, un petit coup d'un côte, un coup de poignard. Ça, c'est la vie à la prairie, un petit coup de couteau à Magdalene, là, puis let's go. Fait qu'on va commencer. Ton coup de couteau était louche, toi. C'était rapide, genre comme dans les films de prison. Mais pas sûr express, si tu fistais quelqu'un ou si, genre, tu l'atteignais d'un coup. Est-ce qu'on aura l'occasion d'en parler de Chucky et de Beaulieu? Mais il s'en va qu'ils sont sur le gros party ces temps-ci. Ben, ils sont allés fêter la fête à Chucky en Floride. Là. Pendant ce temps-là, Price était à Mauricie à faire de la pêche à la glace. Ça, c'est cool, ça. Ça doit détendre. C'est la Price. Ben oui, c'est son style. Price, la gun nature. C'est un cowboy, ce gars-là. Ben oui, t'es un Indien, Chris. T'es un Indien. C'est ça. On va commencer la période pour vrai. Ok, c'était pas cool. Non, parce que je savais qu'on jasait, fait que je l'ai pas gaspillé le temps. Les extraits audio merveilleux qu'on a cette semaine. Fait qu'on va commencer par la conférence de presse de Bergevin qui est en mono, bizarrement. Je sais pas pourquoi. Là. C'est juste d'un bar. Fait qu'on va faire ce qu'on peut. J'ai compris la conférence de Price. La conférence de Price de Price. La conférence de Price à Bergevin. À Bergevin, je comprends. Fait que là, j'ai les extraits ici audio. Ben, premier extrait. J'ai coupé un extrait à JF parce qu'il faisait juste dire quand est-ce qu'il avait pris la décision de mettre Terrien dehors. Là, puis on l'a dit tantôt, ça, là, durant la fin de semaine. Puis là, il voulait être évasif sur les bancs. Mais bon, ça sonnait comme le cul, fait que je l'ai pas mis. Deuxième extrait, il parle de Carey Price. Qu'est-ce qui te surprise déjà? C'est dans le fond, c'est de savoir si ça le préoccupe ou pas. Parce que Price a eu des mauvaises performances. C'est sûr qu'il va dire oui, on sait bien. OK, on écoute ce qu'il a dit sur Price. Préoccupe, non. Est-ce que... Attends, faut que je t'écoute le début. Préoccupe, non. Est-ce qu'il y a eu des difficultés? Oui. Mais Carey, c'est un proven winner. He's one of the best, if not the best in the NHL. And to me, there's no issues there whatsoever. Just part of it all. That's what I'm talking about. À quel point les performances de Carey Price sont. Donc, c'est la fille de TVA. OK. En français, est-ce que je suis préoccupé? Non. Est-ce que je m'attends à plus de Carey? Oui. Il y a eu des périodes difficiles, oui. Est-ce que c'est la faute à Carey Price qu'on est ici aujourd'hui? Non. C'est l'équipe que je sentais qu'elle performe, pas performé au niveau que je m'attends d'eux, qui attendent d'eux-mêmes. Alors, Carey, c'est un gagnant, c'est un gars qui a beaucoup de succès, puis j'ai aucun doute qu'il va revenir où ce qu'il y a t'as pas si longtemps. C'est, hey, c'est laborieux. C'est malade parce qu'il dit en anglais, puis après ça, il demande de dire en français, puis il repart en anglais. Pour leur dire en français, il se pose des questions. Est-ce que nanana, oui? Est-ce que nanana, non? Est-ce que oui? Non. Ben, la question que dans le fond qu'elle a demandé au début, c'est que vraiment comme la petite dame, elle a dit hey, dans le fond, tu pourrais-tu répéter ce que tu as dit en anglais mais en français? Puis il part avec le mot en français. Puis après ça, il retourne en anglais. Elle dit parce que je viens de te demander de me le dire en français. Je comprends fuck all en anglais. Puis il est parti. Chris, il lâchait pas sa bouteille. Moi, c'était de la vodka. Après ça, il a dit je m'attends à un niveau que les joueurs s'attendent d'eux-mêmes. Quoi? Ouais, c'est parce que là, il a dit genre Carey Price, c'est un proven winner. Puis là, mon gars, il a dit une expression anglophone, il a switché, man. C'était fini. C'est ça. Il a comme déconnecté ses expressions. Ouais, c'est ça. Deuxième extrait sur Bergevin, il nous parle de Claude Julien qui a embauché. Je me souviens plus non plus qu'est-ce qu'il dit là-dessus, mais on va l'écouter. Bon, premièrement, dans le hockey, tout le monde se connaît à un degré. Comme moi, ici, avant d'arriver à Montréal, je connaissais Michel Therrien, mais j'avais même pas son cellulaire dans son numéro avec moi. Alors, ça commence comme ça. Mais quand tous les jours, deux, trois fois par jour, tu es au téléphone, tu t'essaies avec ton instructeur-chef, pendant 50 ans, tu bâtis une relation. 50 ans. Puis je crois que c'est la même chose avec tous les DG dans ton instructeur-chef. Alors, il faut montrer que tu es ensemble. Exemple, Michel et moi, il n'y a pas tout le temps qu'on avait d'accord sur les mêmes choses, mais on fermait la porte, puis la personne, quand on sortait, ça montait une unité. Puis c'est certain avec l'autre, des choses qu'on ne soit pas d'accord, mais à la fin de la journée, il y a un respect, puis on travaille ensemble. Alors, c'est ça que je souhaite. Donc, il n'y avait pas de lien particulier, vous ne connaissez pas particulièrement. Non, Claude, pour venir à Claude, ben, Claude, non, pas vraiment. Je l'ai fréquenté à Coupe du Monde. Au mois de septembre, un mois. Mais encore là, les instructeurs sont plus ensemble. Moi, j'étais plus avec les directeurs généraux. Alors, mais j'ai connu un peu Claude. Puis, un bon feeling en partant, une bonne personne. Son track record, comme on dit, speak for itself. Speak for itself. Speaks for itself. Son track record. Ah, il n'est pas capable. Dès qu'il dit un mot en anglais, il switch. Mais hey, instructeur chef, c'est aussi bon que genre dire, mettons, gérant général, ça. Je l'ai ici, celle-là, d'ailleurs. C'est lui. Moi, comme directeur général, je regarde pour améliorer l'équipe. Le pire, c'est qu'il leur dit encore ça. Je regarde pour améliorer l'équipe cette semaine. Là. Ouais, ah, tout oui, le temps, c'est ça. C'est comme sa devise. Mais ça, là, il disait ça souvent avant. Puis Carbo, cette semaine, il l'a dit. Il l'a dit à RDS, il a dit genre un gérant général. C'est-tu que c'est lettre, ça? Mais quand il est arrivé Bergevin, je comprenais qu'il y avait comme un... une difficulté puis un accent, mais on dirait qu'il s'empire. Ah, c'est fucked up. Là, plus c'est... longtemps qu'il est au Québec, il est pas plus longtemps qu'il s'empire. Sur douette, là. Non. Tabarnak, on l'a perdu, esti. Puis là, il a dit dans cet extrait-là que, dans le fond, il était pas d'accord avec Michel des fois, mais il fermait la porte, après ça, tout était correct. C'est très, très vague comme commentaire, ça. Ah, c'est ça. Ah, on avait des différends, on fermait la porte, puis quand on sortait, tout était correct. Ça devait claquer, cette porte-là, mon chum. Tabarnak! Il commandait du Saint-Hubert, puis il buvait la sauce dans le cop direct. C'était fini. Combat de sauce, après ça. Ça s'encilait les frites, puis ça finissait ça avec la sauce. OK, après ça, ils ont demandé à Marc s'il allait être actif sur le marché des transactions. Puis il a parlé de donner des jeunes là, pour améliorer l'équipe. Ouais, il a parlé de Sergachev et tout. Je crois que personnellement, oui, on a les outils nécessaires. Puis pour ce qui en est des transactions, le pouls en ce moment, puis je vais être clair là-dessus, de donner des jeunes comme Sergachev pour un fixe, ça n'arrivera pas. Alors, il faut toujours regarder pour améliorer l'équipe. Mais si le prix est payé, c'est nos jeunes qui vont être dans l'organisation pour 10, 15 ans, je ne le ferai pas. Alors, on ne s'attend pas à une grosse transaction de ce côté-là, ça n'arrivera pas. Si le prix descend, et quelque chose qui est raisonnable pour l'organisation, à court terme et long terme, je vais le faire, sinon, il n'y a rien qui va se passer. À court terme et long terme? Dans le fond, ce qu'il veut dire, quand il parle de fixe, c'est un joueur de location. Mais non, là, en ce moment, il ne voit pas l'intérêt d'aller chercher un gros joueur sacrifier la jeunesse pour aller gagner la coupe parce qu'il ne voit pas la coupe qui s'en vient directement. Ils ont demandé le nombre de joueurs qui étaient prêts à échanger. Il y en a dit qu'il y en a 5. Il a dit moins de 5 prospects. Puis Là, tout le monde disait, ah, il a dit qu'il y avait 5 joueurs. C'est comme, non, il a dit moins de 5. Ouais, parce que tout le monde sortait leur liste de top 5. Ouais, là, tout le monde a capoté. Ah, c'est qui tu penses les 5 là? C'est quand, tabarnak, man. C'est, ah, mais c'est en même fou, temps, là, chaque mot est analysé. On peut pas le croire, Bergevin, après avoir dit non, Subban, ben il est non, pas sur le marché des trades, puis 2 secondes après. Non, il mais Subban, Bergevin. Il répond en politicien, il a la ben cassette. Oui, c'est un asti de politicien. Il faut pas qu'il dévoile son jeu, surtout à une semaine à date limite. C'est un mauvais politicien. C'est comme, Chris, il sait même pas ce qu'il dit. Ah, ouais, puis de toute façon, à un moment donné, j'avais lu un commentaire d'un gars qui avait dit, tu sais, justement, avec l'affaire de Subban, le monde, ouais, il nous avait dit qu'il ne l'échangerait pas, puis il avait dit, Chris, Marc Bergevin, là, c'est pas ton père, là. C'est un directeur général, là, tu sais, c'est un gars qui fait de la business. T'as pas besoin d'avoir confiance en lui, puis pas obligé de tout te dire. Non, c'est ça, exactement. T'as aussi d'en dire moins, puis de dire moins de niaiser. Mais tu sais, il parlait tantôt d'un fixe, tu sais. Ouais, mettons qu'on lance un nom de même, tu sais, Duchesne, mettons. Ouais. C'est du chaîne, pour moi, c'est pas un fixe. Non, c'est pas un fixe. Ça, c'est un gars qui peut être bon à court terme et moyen terme, comme qu'il disait à la fin. D'après c'est un gars de 26 ans, puis il a encore des années à son compte. 2 ans de plus. Fait que c'est pas. C'est pas pareil. C'est pas pareil, pas en tout. Là, il peut-être qu'il considérait payer le prix. Jeff est bien bandé du chaîne. Ouais. Ben, moi aussi, je suis bandé du chaîne. On va en parler tantôt d'ailleurs. Ben, je l'aime bien, ouais. Ouais, ok. Ouais, toi, Dave, si tu veux te changer du deal, toi. En tout cas, c'est bon. Non, c'est parce que le problème, c'est que le deal est trop gros, man. Hey, avec Landeskog puis toute la ouais, il faut pas croire ce que Pierre Dorion il dit. Pas rien, Pierre Dorion, chaque son nom, si j'ai pas confiance à ce gars-là. Pierre Dorion. Dorion, c'est tabarnak, il a l'air d'un gars qui fait la une de Verchères. Pierre Dorion, c'est le directeur général des sénateurs ouais, d'Ottawa. C'est lui qui les a bâchés. Comme dans les médias. Ouais, à TSN. Colorado. Il a ouais. Du, ouais, ouais. Puis, tu sais, tu ne vas pas commencer à dévoiler le prix parce que là, à cette heure, vu qu'il a dit ça à radio au Canada au complet, là, tout le monde va dire, ah ben là, si eux autres, ils ont fait ça, puis ils ont refusé, tu vas avoir, ben, que tu baisses ton prix, là. Tu sais, il a comme pas aidé Joe Sakic là-dessus. Là. Non, mais tu te mets dans la peau des vendeurs. Ils vont faire quoi? Ils vont pas mettre ça au plus bas tout de suite. Là. Non, ils vont aller un plus haut. Fucking haut. Puis là, tu négocies. Il y a de plus en plus de teams qui se retirent du derby Duchesne Landeskog. Pis... Sauf le Canadien. Puis sont retirés non, aussi. Non, oui? Non, je te le confirme. Puis on en parle tantôt. Tu me le confirmes, t'as des sources sûres. Ouais, j'ai tout lu là-dessus. Le gars qui a fait le caulking chez. Ouais, c'est le gars qui a fait. Ouais, le caulking. Non, il a fait les joints. Ouais. Tirer des tireurs de joints. Il a changé l'affaire dans le bol là, pour flusher. Ouais. L'affaire que j'ai faite, t'as fait ça de passer. Ah ouais. C'était toi? C'est moi. C'est moi l'informateur secret. C'est toi l'informateur secret. Le bang de cire. Comment? Le bang de cire. Le bang de cire. Ça, c'est ce qui va en dessous. Ouais. Ouais. Ça, c'est dégueulasse. Changer une toilette. Quel bel job à faire dans la vie, ça. Asti. Prochain truc. On en parle dans un autre podcast. Ouais, prochain extrait. Bergevin. Blâme clairement Terry. Ben, clairement, un peu sous couvert le manque de leadership de Terry. Oui, écoute, comme tu as mentionné tantôt, on a eu des blessures pendant quasiment 2 mois de temps, on a eu beaucoup de difficultés. Puis, à différentes étapes de cette période-là, il y a des joueurs qui ont steppé up, comme on dit. Alors, mais il y avait quoi qui se passait que je trouvais que c'était nécessaire de faire un changement. Parce que la question avait été posée par rapport au leadership dans la chambre avec les blessés et tout ça. Puis clairement, là, il dit « Ah, même les blessés puis les joueurs se sont levés, il y avait de quoi qui ne marchait pas quand ben, même. » Ben, c'est ça. Le message passait plus. C'est ça. Voilà. Le monde était tanné. Puis bon, pour passer puis, à… Puis c'est normal. Ouais, ça. Mm. Puis en fait, ils ont demandé après ça, justement, aller chercher Claude Julien. Est-ce que c'était un bon coup pour toi? Voici ce qu'il y a à dire sur Claude Julien. Toute la décision est prise en performance de l'équipe sur la patinoire. En performance, pas conséquence. Il n'y a aucun joueur qui a dit rien. Je n'ai pas demandé non plus. Mm-hmm. Et si je peux me permettre également, dans le cas du remplaçant Claude Julien, qu'est-ce qui fait, selon toi, de Claude Julien l'homme de la situation? Premièrement, avec 24 rencontres dans la saison, ce qu'on est aujourd'hui, c'est l'homme de la situation et la vision long terme. Alors, il remplit les deux, pour moi, chose importante, stabilité et aussi à court terme. Il rentre, c'est comme un coup de circuit de ce côté-là. Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? Ben ça, il est bien content. Ben oui, mais tabarnak, il va pas bâcher. T'sais, je veux dire, il a pas été chercher un coach substitut. Là. Il est allé chercher un coach Il n'est pas intérim. Il a automatiquement un contrat de 5 ans. C'est pas Randy Cunningworth. C'est le coach Canadien-Montréal qui est le mieux payé de l'histoire. 5 millions par année, je pense. 5 millions par année pour 5 ans. Puis plus, Babcock gagne combien, lui? 6,25 par année. Il n'est pas loin, pareil. Là. Il n'est pas loin, mais pour le Canadien-Montréal, c'est le coach qui est le mieux payé. Ouais, c'est normal. C'est le troisième mieux payé, dans le fond. Le deuxième, c'est Canville. Puis, tu trouves-tu avoir payé un bonus aux Bruins? En plus de ça, il a sorti son chéquier pour payer la balance du contrat de... C'est la seule raison pour qu'ils l'ont laissé. Ça, sérieux? Ouais, il avait refusé à Floride. Hey, il faut que... Il y a des rumeurs qui disaient que... Ben, ça, j'ai comme de la misère à croire ça, là, mais il y a des rumeurs qui disaient que les Bruins, une des raisons pourquoi il avait comme clairé Julien. Ça allait pas bien, puis c'était aussi une question monétaire. J'étais comme, ça n'a pas non, de ça, bon ça, sens. Non, ça n'a pas rapport à l'affaire monétaire. C'est juste que pour que pour Bergevin, dans le fond, quand il a rencontré... Non, c'était avant que Bergevin l'engage. Ça mélangeait un peu les histoires. Non, moi, je te parle, ça avait sorti avant. Il disait que quand il avait clairé, il avait dit que c'était une question monétaire. Ça n'a aucun rapport, dans le fond. Non, Chris, je veux dire, les Bruins, c'est pas une équipe qui a de la misère financière. C'est pas les Hurricanes, mettons. Mais tabarnak, c'est pas la Floride. La raison pourquoi ils l'ont mis dehors à Boston, c'est parce que Don Sweeney, c'était pas son homme. Okay? Fait qu'à un moment donné, il cherchait juste une bonne occasion pour le coller dehors. C'est exactement ça qui est arrivé aussi. Là. Il a attendu comme une équipe connaît souvent. Canelli, il a dit qu'il était genre 100% behind. Ben oui, parce que Canelli, et Don Sweeney, là, ça couche ensemble, ça. C'est sûr, là, c'est le pain et la saucisse. Là. Ça mais, se pécote le soir, c'est après 8 heures. Là. Puis, dans le fond, eux autres, ils l'ont mis dehors parce qu'ils trouvaient que, genre, il est trop proche des vétérans, il donne pas la chance aux jeunes, pis ci, pis ça. Fait qu'ils ont nommé leur entraîneur du club école pour prendre sa place. Mais Claude, c'était clair qu'il allait trouver une job assez rapidement. Puis même les Panthers l'ont approché pour la fin de la saison. Mais Bergevin, il est pas cave, lui, là. Non, il voyait clairement qu'il y avait de l'intérêt. Il a sûrement été voir Don Sweeney, il disait, j'aimerais ça parler à Claude, puis juste pour être sûr que tu dises oui, là, je vais payer la balance de ce qui te reste son contrat. Parce que il restait combien? Il restait un an à payer, fait qu'il restait un genre d'un 3 millions, mettons, autour de ça. C'est pas si pire. Je pense que le Canadien, financièrement, est quand même assez stable. C'est ça, mais parce que dans le fond, là, t'acceptes de donner un... On s'entend que Claude Julien, c'est un bon coach, fait que t'acceptes d'envoyer ton bon coach dans une équipe rivale de ta division, tu vas y voir la face pendant 5 games à toutes les saisons, puis peut-être même dans les playoffs. Hey, moi, je Don Sweeney a été imbécile demain. Là-dedans. Ouais, c'est surprenant. L'auriez-vous fait, vous autres? Quoi? L'auriez-vous fait? Quoi? De laisser partir, mettons, je sais pas moi, mettons qu'on a un bon coach, tu laisserais partir une équipe rivale? Hey, honnêtement, man, c'est Chris, une grosse décision pareil. Là. Surtout mais je pense qu'au point où il était rendu, il était comme. Il faisait plus partie des plans, fait qu'il s'en colissait. Mais moi, d'après moi, il avait refusé la Floride de discuter avec parce qu'il savait que le Canadien s'en viendrait, man. Ben lui comme, il dit OK, c'est bon, mais pas de trouble, tu sais. Mettons, OK, je sais que j'en ferai cet été, mais non, je suis pas pressé, je vais rester avec ma femme. T'sais, dans le fond. Il s'en colissait peut-être. Mais en un fait, petit c'est peu. Boston, c'est l'organisation de Boston qui ont fermé la porte à la Floride pour qu'il ait le droit de négocier avec Claude Julien. Fallait que l'autre Je pensais équipe... qu'il avait accepté, moi, personnellement. Non, il fallait que l'autre équipe demande la permission à Boston de ben discuter ben avec. Faut puis il leur ont fermé la porte. Fait que je me dis, parce qu'il était encore payé par les Bruins. Exact, exact. Il savait bien qu'avec la situation de Michel Therrien, que le Canadien s'en viendrait en rampant, mon gars. Ça a l'air que même Molson était là à Boston aussi. Ah, ça se peut. Avec surtout son carnet ça, mais c'est chèque, normal son parce que crayon. C'est ça, parce qu'il y a eu des gros sous qui ont été échangés là-dedans. Puis Therrien, son là, gros crayon Molson. Pour cette année, là, jusqu'à la fin de la saison, là, il coach gratis à Montréal. Qui? Le saviez-vous ça? Qui? Therrien, pas Therrien, excuse-moi, Julien, pour maintenant jusqu'à la fin de la saison, là, il fait ça gratis. Il fait ça gratis. Il n'y aura pas une paye. Ouais, mais il est payé par Boston, mais Canadien, il a. Ben, donné... Dans le fond, il a reçu son chèque de paye, mais il ne recevra pas de paye, mettons, à toutes les semaines. Il doit être là. Dans la misère, ce gars-là. Hein? Mais, Claude. Il doit manger du pain sec. Non, mais pareil. Il gagne 5 millions par année. C'est correct. C'est Chris doit manger du pain noir. Puis ce qui est cool, c'est que le salaire du coach ne rentre pas sur la masse salariale. Entre autres, tu peux payer un coach 10 millions, si tu veux. Oui, puis à Montréal, on a les moyens. C'est pour ça que Toronto, on payer Babcock une fortune. Ben, puis ils font bien. Ben ouais, mais profitez-en. Oui, c'est correct. On va avoir l'avantage de toujours avoir un bon coach versus, mettons, une équipe qui est dans la misère, là, ils n'auront pas les moyens de se payer un grand coach comme ça, malheureusement. Ils vont payer genre Mike Yo. en bas de 2 millions. Fait qu'on on va écouter les deux premiers extraits de Claude Julien avec le Canadien. Premièrement, il va parler des ajustements qu'il va avoir à faire en arrivant, c'est-à-dire qu'il ne sait pas encore parce qu'il n'est même pas encore là. Ben, premièrement, c'est difficile pour moi de discuter de toutes ces choses-là parce que, écoute, ce qui vient de m'arriver est arrivé très rapidement. J'étais justement en vacances au Vermont lorsque j'ai eu les appels de Marc et puis j'ai dû retourner à Boston pour justement me préparer à déménager à Montréal. Et puis, j'ai pas eu la chance encore de vraiment jaser avec les entraîneurs. Je veux surtout... leur demander des questions. Je veux, comme qu'on dit en anglais, pick their brains. Et puis, c'est sûr que avec ce que moi j'ai vu et puis ce que eux vont me dire, je vais certainement faire des ajustements qui vont être convenables, disons, et puis qui vont aider l'équipe à retrouver la voie de la victoire. Qu'est-ce qu'un gars dans le CH qui sait parler en français? Le pire, c'est qu'il parle super bien en anglais aussi, ce gars-là. Oui, ben c'est ça l'avantage. C'est un franco-ontarien. C'est un franco-ontarien, exact. Genre, la formule idéale. Lui, en anglais, il comme, il a pas vraiment d'accent. Là, non, c'est fluide au bout. Tandis que Michel, il parlait comme Mario Tremblay. Ben, ouais, mais des Michel, Michel parlait, Michel parlait aussi bien en anglais qu'il parlait en français, dans le fond. Exactement. Genre très mal dans les deux. Ce qui n'est pas un compliment. Michel Therrien avait beaucoup de gras de sauce dans la gorge. Lui, il a comme pas de cardio. Fait qu'il va tout le temps respirer vraiment en silence, peut-être à chaque fois. Puis il va rouler quelques airs par-ci, par-là. On a trouvé notre compte quand même pour les audios avec lui. Ah, je suis qu'on va avoir des On va avoir des belles images, par exemple. Exact. Pour mettre sur le ah, les photos sur Twitter de ou sur épisode, Facebook, on va avoir des hosties de belles images. Nos mêmes vont être parfaits. Et si, boy, nos mêmes, wow, man. Fait qu'avant de parler de Julien, vraiment plus en détail, là, deuxième truc qu'ils ont demandé à Julien, c'est ils ont demandé s'il était amer envers Boston d'avoir mis dehors. Si tu veux que je sois vraiment honnête, je te dirais, c'est pas vraiment ma situation. Je pense que lorsque tu regardes le fait que j'ai passé 10 ans à Boston, c'est quand même spécial. J'étais l'entraîneur qui était avec la même équipe le plus longtemps, pendant au moins un an et demi. Et puis, lorsque tu as l'occasion dans ce style métier-là de passer 10 ans à la même place, tu ne dois pas être amer, mais tu regardes les bons moments, le succès que tu as eu, et puis tu rebondes de ton côté, et puis tu essaies de faire la même chose avec une nouvelle organisation. C'est ce que je veux faire à Montréal. Je réalise aussi que c'est une rivalité. Puis cette rivalité-là, j'ai l'intention de la continuer, mais de la continuer sur la patinoire. J'ai beaucoup de respect pour les joueurs qui ont été de très bons joueurs pour moi à Boston. Ça, c'est un côté personnel, mais lorsqu'on joue au hockey sur la patinoire, c'est une rivalité, puis c'est une vraie rivalité, puis on va la revivre encore. Mais c'est certainement pas quelque chose que je te dirais qui est une question d'être amer. Je ne suis pas amer. Au contraire, je suis heureux d'avoir l'occasion de revenir à Montréal puis de travailler avec le Canadien dans un gros marché de hockey. Il va-tu dire de Boston « typical » Boston. Typical embellishment, Boston. Typical. Il disait tellement ça souvent. Typical Montreal. T'sais. C'est clair. Il est doux, man. Écoutez, si je me sens que je vais faire une cassette de lui. Il est doux, man. C'est vrai, ça coule bien. Il dit ses laps, ses phrases comme il faut, puis il prononce ses mots comme il faut. Puis ce qui est le fun avec Claude Julien, là, c'est que je l'ai vu dans les 24 CH de Boston pour les matchs extérieurs qu'il y avait dans le temps. Là, quand il parle aux joueurs, là, est-ce que tu es passionné? Tu l'écoutes, puis tu es vraiment attentionné. Ce gars-là, là, c'est un psychologue, c'est un entraîneur qui s'innove en plus. Toi, ma lettre, je te le dis. Non, non. T'es pas bandé, Julien. Non, non, mais... T'es pre-com, esti. Claude Julien, je l'ai toujours aimé. À Montréal, il a quitté injustement. Je pense qu'il faut comme parler de l'éléphant dans la pièce. JF qui a amené sa mini-coupe cette année en ce moment parce que Julien est à Montréal. Ouais. JF, ça fait une semaine qu'il nous casse les oreilles sur le chat. Man. Comme quoi, esti, c'est le sauveur, puis que Julien vient nous amener la coupe. Puis là, tu sais, genre, il arrête pas de nous dire, ah, mais vous, c'est quoi, vous l'aimez pas, t'es rien. Vous comprenez pas, puis. On a jamais dit qu'on l'aimait pas. JF en grand. En grand vendeur, veut nous faire. Il veut nous faire. Approuver son opinion. Ce que tu comprends pas, c'est j'adore Julien, c'est un excellent coach. Puis comme tu as dit, je suis d'accord que c'est le meilleur coach francophone qui était probablement dans la Ligue nationale. C'est le meilleur coach qui était disponible. Qui est dans la Ligue nationale, probablement. Qui était pas, pas qui était, ouais, qui est dans la Ligue nationale. C'est le meilleur coach qui était disponible anyway, probablement. Même si tu compares avec genre juste des anglophones, là, 100% anglophones, il n'y a pas de coach présentement qui sont disponibles. Il y avait Bob Hartley, qu'on s'entend que Bob Hartley. Ben, ça aurait été probablement le deuxième choix. Ça aurait été juste Montréal, bon pour les audios, ça. Ben, ça aurait été. Ben, moi, de Bob Hartley, il est dépassé. Il s'en va coacher en Suisse. Jeff, pourquoi tu penses que Bob Hartley, ça marche avec Bob Hartley. Il marche bien. Ouais, mais je veux faire des audios. Est-ce, on s'en calisse Bob Hartley marche bien avec les jeunes quand même. Je pense que ça aurait été Gérard. Oh, que non. Je te le confirme que non. Bob Hartley est pire avec les jeunes qu'il l'est avec les vétérans. Puis le pire, c'est que les vétérans, là, ils les traitent comme de la calisse de merde. Bob Hartley, là, pourquoi tu penses qu'il est barré de la Ligue présentement? Pourquoi tu penses qu'il s'est fait calisser dehors des Flames? Le message passait plus. Ce gars-là, il est agressif. Ouais, mais il genre, respecte aucunement ses joueurs. C'est le genre de coach, il est c'est genre de coach que il va être bon genre pour... Juste pour la TV avec des télé-réalités qui ça pas patiner qui s'attache pas va, le patin. Il va être bon genre, mettons, pour une saison ou genre justement par intérim pour mais genre fouetter quelque chose. C'est ça, puis il va y brûler. Il va y brûler. Ça. Fait que pour ouais, moi, Bob Hartley. Je sais pas, là, mais tu sais, genre juste pour comme leur donner un bon coup de fouette, puis après ça, ben t'as besoin de passer à c'est ça. L'extrait de puis... Québec-Montréal avec Patrice Brisebois. Ah, c'est bonbon, quelque chose. Ça, hey, je l'ai en plus, on va voir ça le passer pour le souvenir du bon vieux temps. Je trouve ça tellement. Ouais, Non, la bague de la Coupe Stanley, elle m'énerve pas, toi. Non. Tu vas ton rang, Chris, toi. Toi, là, bon joueur, ferme ta gueule. Non, mais je vais pas parler. Toi, tu vas fermer ta gueule. Ferme ta gueule. T'es dit, toi, qu'est-ce que t'as fait dans la vie? Qu'est-ce que t'as fait dans la vie, toi? Qu'est-ce que t'as fait, toi? On dirait une scène de slapshot aussi, c'était quoi? C'est vrai. Hey, man. Hey, sérieux, là. Je pense que j'aurais voulu, juste pour le podcast, ce gars-là aurait été un bijou, man. Ouais, mais pourquoi pensez-vous qu'il a pas dit la job à Calgary? Pas pour ses compétences, je te le confirme. C'est son beau-frère qui l'a engagé. Jay Pfister était directeur général des Flames. C'est son beau-frère qui l'a engagé. Ouais, il l'a engagé parce qu'il n'y avait pas d'autres candidats, parce que dans ce temps-là, il n'y a pas grand candidat. Fait qu'il n'y a pas ni Bob parce qu'il coûte pas cher. Puis après ça, ben, ils l'ont collé dehors une fois que Jay Pfister s'est fait tasser par un autre DG qui est là, puis depuis que Brian Burke est président. Fait que Bob Hartley s'est joué à compter la journée même, c'est-à-dire que Jay Pfister a crissé son camp, puis il a crissé son camp durant la première saison que Bob Hartley était là. Fait que pour venir à Bob Hartley, mais non, Claude, mais je veux dire, Claude Julien, là. Honnêtement, je veux dire, Bob Hartley, il n'a pas le talent de Julien comme coach. Ah non, de loin. Côté divertissement, je m'excuse, c'est ça, mais il n'est pas à plein. On est dans une business qu'il faut gagner des games de hockey. Puis ce que j'aime de Claude Julien... Oui, mais nous, on est dans la business de podcast. C'est ça. On fait des audios. Claude Julien, là, ce gars-là, là, au niveau de... Tu sais, tout le monde dit coach défensif. Pensez-vous que notre offensive va s'améliorer, Claude? J'ai hâte de voir. Êtes-vous inquiet? J'ai hâte de voir. Tu sais quoi? J'ai un trivia question pour vous autres. Attends un peu. Qu'est-ce qui va s'améliorer versus Terrien, je pense, c'est la relance de l'attaque. Parce que c'est un coach défensif, mais qui va baser beaucoup son équipe sur la relance de l'attaque. Mais c'est pas un coach offensif. J'ai un trivia question pour toi. On va pas changer genre l'équipe là, de peut-être Jeff de bord complètement. Là. J'étais un thème. Ah, j'étais un thème pour moi. Trivia question, ben oui. Les Bruins de Boston, là, depuis les 5 dernières années, à quelle position ils se trouvaient au niveau des buts marqués? Parce qu'on était défoncés tous bien avant Boston! Ouais, je l'avais vu, celle-là, passer. Vite, de même. Troisième ou quatrième. Hein? Des buts pour? Les buts pour, ouais, en l'offensivement. L'équipe qui a marqué le plus de buts, là. OK. Si je te calcule, mettons, en 2008-2009, deuxième. 2010-2011, cinquième. 2011-2012, troisième. 2013-2014, troisième. 2015-2016, cinquième. Il y a juste une année qui n'ont pas été dans le top 5. L'offensive, là, justement, on parlait de transition, là. Est-ce qu'il va préparer ça, mon gars, comme tu n'as jamais vu, là? Donne-moi les joueurs qu'il y avait dans ces années-là. Brad Marchand, Patrice Bergeron, David Krejci, c'est pas des gars négligés sur le top 6. Milan Lucic. Et voilà, des joueurs qu'on n'a pas. Oh, faut faire attention. Ben, t'sais. Come on, est-ce on a combien de vrais scoreurs? Dis-moi qui, ouais. Non, mais regarde. On a combien de vrais scoreurs, premièrement, on a Pacheco, on a Radu, on a Galchenyuk, c'est des très bons joueurs dans parfait, le top 6. Parfait, tiens, m'en mes trois. OK. L'affaire qui arrive, c'est pas Byron qui va compter genre 15 buts chaque année là. Non, c'est ça, mais il faut faire attention à Boston là. C'est les quatre trios qui marquaient des buts. Il n'y a pas eu de gars de 100 points à Boston, est-ce dans l'ère de Claude Julien là. Il y a pas des gars de 100 points, il n'y en a même pas un par équipe. 80 points d'abord. Il n'y en a pas eu à Boston souvent. Il n'y en a pas beaucoup par équipe non plus. Ouais, mais regarde, 60 points, on s'entend que c'est de la moyenne que nos joueurs peuvent avoir baisse aussi. Baisse encore. 60 points. Regarde, il n'y a pas de... Il y a eu beaucoup de joueurs de 50 points, comme l'année où le CH avait comme 5, 6 ou 7 joueurs de 50 points là, avec Kovalev. C'est ça. C'est dans le temps qu'ils ont fini numéro 1 dans la Ligue. Ouais. Exactement. Du président c'est, Guy, c'est t'as pas beaucoup de superstars, ils vont faire bien des points, mais t'as beaucoup de profondeur. Ben, ça veut dire que, justement, ton premier, ton deuxième trio, ils vont te produire beaucoup, puis t'es même capable d'aller en chercher pas mal sur le troisième. Là, ben, on a un bon bottom six à Montréal, on s'entend là-dessus. Ouais, là. Mais attends, là. C'est un luxe à White Danos sa troisième ligne. Pas, on sait pas si sont... Il est rendu sa troisième, il a baissé, il a perdu des... Perdu des bleus. Non, mais aussi, ce que je peux vous dévoiler aujourd'hui en exclusivité, là, j'ai les trios qu'il y a eu à pratique aujourd'hui. Puis Galchenyuk est retourné au centre de sa première ligne entre Pacioretty et Radulov. Ah ouais? Plecky est rendu... Ça me surprend encore. Ouais, ben, ça veut dire... Parce que aussi, ce que j'ai aimé Claude Julien là, aujourd'hui, là, c'est que pendant la pratique d'une heure, là, c'était comme une messe. Si tout le monde était là, il a rencontré les joueurs en pack de trois à chaque fois. Même. Le gars, il est après, tu sais, il jase avec eux autres, il est après à se mettre chummy avec les gars. Là, le respect est là, puis il est en train de leur dire quel rôle qu'il va avoir. Je pense que la seule personne qui n'a pas eu de meeting, c'est Dernay. Parce que Dernay, présentement, là, il est rayé de l'alignement. Fait que je pense que sa carrière est terminée. Thomas Plekanec, là. Il s'attend un bébé, pauvre gars, sti. Ben, tant pis pour toi, sti. Puis il va se ramasser qu'une pension dans pas long quand Isabelle va s'apercevoir que finalement, c'est pas un NHLer, mais un gars qui joue un en qui? Suisse. Un NHLer? Un hockeyeur professionnel. Un NHLer, c'est ça que tu voulais dire? Ouais. Ben, il va se faire trader, ce gars-là. Son contrat fini. Ça serait un miracle, honnêtement, j'aimerais ça. Bah, ça à Vegas. D'après moi, son contrat fini. Le pire scénario, je pense que le meilleur scénario qu'on peut envisager pour David, c'est qu'il soit invité dans un camp. Non, je pense qu'il peut se trouver de la job. Je serais extrêmement surpris. Si, il va être invité au camp. Écoute, il va prendre la première offre qu'il va avoir, il va apprendre, ça c'est sûr et certain. Chris, il va prendre 1 million, c'est ça, 400 000. Il ne sera pas présent à la naissance de son fils, malheureusement. Pourquoi? Ben, il va sûrement être aux États-Unis pendant qu'elle va être ici. Ah. Elle suivra pas. Ça me surprendrait bien gros parce que je pense pas qu'elle peut traverser les lignes, la petite Isabelle. Oui, t'as trop de tatou. Ça, c'est une autre affaire. Non, non. C'est beaucoup plus que ça, mais je peux pas en parler. Trop de problèmes de drogue. Attends un peu. Non, non. J'ai pas le droit d'en parler. On veut des détails. Non, mais pourquoi tu penses qu'elle s'est ramassée à RDS? On veut des détails. Pourquoi tu penses qu'elle s'est ramassée à RDS à faire un show de chasse et pêche, là? Parce que... Chris, elle est croche. Exactement. Puis j'en dirai pas plus. J'en dirai pas plus. Asti, j'espère que tu vas nous le dire à mot couvert. Là. Ben, je vais te le dire à un moment donné quand on va prendre une marche dehors. Juste, mettons, avec un micro ouvert. Ouais, tu ferais Michel Villeneuve de toi-même. Là. Sors tes vieilles histoires. Bon, je vais t'écrire ça sur une napkin puis tu le liras en déjeunant demain matin. Sinon, on va vous le dire dans la cuisine micro, dans des périodes. Genre, mallette vient d'écrire que... Il va faire un live, genre. Fait que Thomas Plekanec est retourné en deuxième ligne avec Paul Byron et Brandon Gallagher. Puis sa troisième ligne, Dano a retrouvé sa position naturelle. Centre de troisième trio avec Andrew Shaw et Atturi Lekkonen. Et puis après ça, on finit avec Mitchell, Andrietto et Flynn. Puis c'est hyper défensif. Il n'y a pas eu de changement présentement. Puis on ne sait pas encore c'est quoi avoir l'air, le powerplay puis le piqué. Ça, on va le savoir demain. Fait que mais ça, déjà, sur papier, c'est plus des lignes qui ont du bon sens, je trouve. Je sais pas. Ouais, là. Exactement. Ben oui, c'est sûr. Parce ben moi, Galchenyuk, je trouvais que ça pressait qu'il remonte. Ben, c'était un des points d'interrogation. Qu'est-ce qu'on fait avec Galchenyuk? Aimes-tu Galchenyuk? J'ai jamais vraiment trippé dessus. Non, mais moi, ici au podcast, je pense que il y a comme ben peut-être des GF aussi. Je pense qu'on est comme trois à tripper vraiment Galchenyuk. J'aime beaucoup le style. Mais je pense qu'on va être tous d'accord sur une chose, c'est que ce gars-là, il est zéro responsable défensivement. Puis il est pourri en mise au jeu. Là. C'est un millénial qui est incompris. Il a besoin de quelqu'un pour l'aider. C'est un millénial qui est incompris. Hey, toi, malette, là. Il joue-tu à l'aile? Il joue-tu au centre? Chris Nylund a même dévoilé récemment. Puis ça brosse en plus. Il faut focus sur la game aussi. Ben, je pense que là, Julien va le prendre et va dire, garde. Parce que Julien, il sait qu'il a besoin de Galchenyuk pour gagner des games. Fait qu'il va avoir, il y a sûrement un meeting. Passeur, ce gars-là. Pendant qu'il y a peut-être eu un meeting d'une heure à Galchenyuk, puis dernier, il a peut-être juste eu une note dans son casier. Là. Ben, il explique vraiment c'est quoi le rôle qui s'attend à ce gars-là, puis il va le faire jouer au centre. Fait que c'est vraiment intéressant. Puis il y a un autre point aussi que je voulais amener par rapport à ça après pour retourner avec d'autres choses, là, c'est qu'il y a eu les quotes des joueurs après la pratique de tantôt. Puis ça, c'est ce que Price avait dit que j'ai retenu. Ouais, je l'ai entendu. On ne répondait plus aux directives. Nous en sommes tous responsables. Fait qu'il a ouvertement dit qu'on s'en colissait du coach. Fait que le cœur à l'ouvrage n'était pas présent. Puis là, tout le monde s'est senti comme une première journée d'école. T'sais, tout le monde avait hâte. Puis je pense que tout le monde veut impressionner le nouveau coach. Fait que demain, je vous prédis aujourd'hui une victoire de 5-2 du Canadien de Montréal. C'est bon, je vois. C'est en après-midi à demain. Tu vas être content, mon gars. Honnêtement, là, j'étais... Tu sens la fébrilité. Quand mon beau-père m'a dit « Ah, j'ai du billet, là, j'ai une game en après-midi. C'est sûr que c'est plate, mais tu, ça coûte rien. Bon, on va y aller, tu sais. » Ben, quand j'ai su que Julien était là, là, puis que là, il y avait comme... Ça m'amène un hype, ouais, là. Il y avait comme quelque chose qui se passait. Cool. Là, j'étais comme... Là, je commence à être comme « All right, là, on va avoir de quoi. » Chris, va voir la game, puis viens à Slapshot après ça. C'est déjà à Montréal. Ouais. Viens, ouais. On est juste deux. Moi puis Mathieu Gélinas. Pourquoi? Ouais, j'ai annulé l'événement parce que j'étais comme... C'est un peu pathétique. Gêné. Il y a juste moi qui y va, j'ai l'air à cave. Là. Ah, mais ouais, demain, à Igloo Fest, à 4h30, ça commence. Mais c'est à 5h30, je pense, la présentation du film. Là. Si vous êtes là... Puis c'est vous en plein air. En plein air, venez prendre une bière aux frettes avec moi. Puis, ouais, faut faire j'ai moi-même. Beau père. Ah, qui vient de prendre une bière avec nous autres? Ouais, checker ça. Je tiens à souligner que dernier a aussi ouvertement dit... Tout ça pour dire que si le Canadien perd demain... là. Ils ne perdront pas de main. Arrête, ils ne perdront pas de main. Ils peuvent perdre. Non, impossible. Ils peuvent perdre. Impossible, mais... je vous le dis tout de suite. C'est écrit dans le ciel qu'ils vont gagner. Sérieux, là, j'espère que le Canadien... Parce que là, les changements d'entraîneur qu'il y a eu cette année là, ont tous bien fonctionné. Les Blues ont eu 6 victoires de suite. C'est une fiche de 16-3-2 pour les nouveaux entraîneurs qui ont commencé avec le club. Bon, les Blues, 6 victoires de suite. Ils ont genre 7 victoires, 3 défaites en 10 games. Islanders, ça a bien marché. Les Bruins ont bien marché. J'espère que le Canadien ne sera pas l'exception à la règle. C'est quasiment sûr que ça marche. Un changement de coach, non, surtout c'est la première game. C'est une bonne coach. Ça se peut quasiment pas, mais ça, on c'est, dirait... C'est pas comme les Panthers qui ont engagé un spécialiste du Corsi pour relancer le club. On a Claude Julien pour relancer l'équipe. Il aurait peut-être dû engager un spécialiste du Corsi. Mais le pire, c'est que l'équipe qui a le meilleur Corsi dans la Ligue nationale, c'était Boston sous l'air Claude Julien, parce que Claude Julien s'est ajusté à la game d'aujourd'hui. Lui, c'est possession de rondelle et vitesse. C'est ça qui va ramener la course. Nice. Fait qu'avant de terminer, tu t'arrêtes à me dire que la coupe s'en vient. Là. Ça sent la coupe. Je fais juste te dire qu'on est après préparer l'équipe Bois à dedans. Se rendre à destination finale. Asti, the final destination. Final countdown. Voilà. On boit dans la coupe. Il est déjà prêt, Asti. Fait qu'avant d'aller faire l'entraque, moi j'aimerais poser une question, faire un petit tour de table rapide. Quels seront les plus grands défis de Claude Julien et de Marc Bergevin d'ici la fin de la saison? Tour de table. Là, Bergevin, plus grand défi, réussir. Améliorer le top 6. Réussir à améliorer le top 6, ça c'est sûr et certain. Ou d'aller chercher de la profondeur en défensive, parce qu'on sait très bien qu'il est très fanatique de la défense. Beaucoup de défenseurs pourtant, la défense. Kevin Shattenkirk pourrait peut-être être une c'est possibilité. Ça, si on veut aller chercher un beau gros nom comme ça, là, Shattenkirk. Shattenkirk, il va ça pourrait, je le prendrais à bras ouverts, ça c'est certain, parce que ça peut vraiment booster le team pour le reste de la saison. Mais je pense que ça c'est sûr qu'on se cachera pas que Bergevin... C'est améliorer le top 6, aller chercher genre Chris, le centre qu'on n'a pas là. Ça prend pour profondeur au centre. Du chêne. C'est ça. Ouais, mais et voilà. Anyway, puis Julien, je pense que ça sera pas si compliqué que ça. Parce que là, il y a une belle lune de miel. Là. Ben, ça commence. Là, la lune de miel est commencée. Puis genre, Bergevin, il est déjà en amour ben raide avec Julien. Puis c'est comme il a déjà oublié son ex. À Saint-Valentin, le dropper. Tout ce que Julien a à faire, tout ce que Julien a à faire d'ici la fin de la saison, parce qu'il il changera pas le Canadien de ce qui était le Canadien au début de la saison, puis ce qui est présentement à genre un volte-face vers une autre équipe, ça se passera pas. Non. Ce qu'il y a à faire, je pense, c'est de motiver ses joueurs, puis bien leur parler, puis d'aller chercher chaque joueur. Puis j'ai lu de quoi par rapport à Julien que j'ai trouvé vraiment intéressant. Ben en fait, c'est par rapport à Julien, mais c'est Marchand qui avait dit ça. C'est une déclaration de Marchand. Je me souviens pas ça date de quand, mais... Ça date d'hier. Non, ça date pas d'hier. Ça date de genre dans le temps qu'on a gagné la Coupe Stanley, je pense. Okay. Puis Marchand avait demandé qu'est-ce qu'aimait de Julien et toute l'équipe. Puis il avait dit... Julien, dans les premières années que j'ai commencé, je pense que c'est la première année ou dans les premières années qu'il a commencé dans la Ligue nationale, Julien a demandé « C'est quoi ton objectif? » Puis Marchand a répondu « Je veux compter 20 buts. » Puis Julien, il a dit « Je pense pas que tu as le talent pour le faire, mais c'est à toi de faire ce qu'il faut pour te rendre à ça. » Puis ça, Marchand, il dit « Ça m'a comme motivé. » Puis j'ai pris cette énergie-là genre vraiment pour vraiment travailler là-dessus. Puis Chris, on s'entend-tu que Marchand... C'est un des meilleurs marqueurs de la Ligue. C'est un excellent joueur. Je déteste son attitude. Je déteste le... J'adore Marchand, mettons, dans un championnat du monde ou dans, mettons... Tu le prends à ton équipe. Un Olympique, mais je veux dire, je déteste... J'haïs les joueurs cochons. Les rats, je suis pas capable. J'aime pas les rats. Et voilà. Un rat, ça pue. Ouais, c'est une belle conclusion. C'est fait que c'est ça. Fait que je trouvais ça... Je pense que c'est ça. C'est une motivation. Moi, je pense que le défi de Bergevin, c'est d'analyser... Tu sais, sa fenêtre là, de 2 ans, que je pense, là, 2-3 ans max, là, puis d'analyser comment tu peux améliorer l'équipe, puis qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour gagner tout de suite. Là. Ouais. Parce qu'on s'entend, là, on n'est plus dans un plan quinquennal. Là. Non, parce que moi, je pense qu'avant longtemps, on peut avoir une crise de surprise quand Price va arriver à l'autonomie. Là. C'est pas garanti que ce gars-là va vouloir nécessairement rester à Montréal. Faut qu'on est capable d'aller au grand honneur. Moi, je serais pas surpris que Price il décide de pas signer. Là. À moi, en signant Julien, on vient de montrer à Price que là, on prend ça au sérieux. Ça va peut-être prendre plus, par exemple. Oui, parce que ça va prendre plus au niveau de l'équipe, au niveau du personnel. T'as besoin d'un bon noyau. C'est un calcul. Là, tu sais, là, le monde dit on peut pas laisser partir Sergachev, on peut pas laisser partir Beaulieu. Tu sais, à Montréal, si on veut pas laisser partir tout le monde, on veut garder tout le monde, on va aller tout aller chercher. Fait que là, c'est de voir qui qu'on sacrifie pour aller gagner tout de suite. Là. Yeah. Mais tu sais, je veux dire, Sergachev, là, je serais pas prêt à le sacrifier, moi non plus, mais ça dépend toujours de ce qui vient au bout de ça. Ben oui, t'sais, parce que mettons, si ça prenait Sergachev pour aller chercher un Malkin, tu dirais oui. Mais c'est pour ça, il faut faire attention. Il faut tout à fait faire la nuance entre les deux, entre le fait que, tu sais, Sergachev, c'est comme, tout le monde le voit dans sa soupe, Puis je pense que le gars a le talent de devenir un défenseur vraiment comme très, très de premier plan dans les nationales. Mais il y a toujours... Tout le monde a son coût. Tout le monde a son prix. Tout le monde a sa valeur. C'est ça. Puis Chris, on l'a dit plusieurs fois, si Wayne Gretzky a été échangé... Tout le monde peut être échangé. Sauf que Sergachev n'est pas sur la glace en ce moment. C'est ça. En ce moment, il y a des joueurs, d'après moi, qui commencent à graffiner un peu. Puis Bryce pense que c'est le premier. Ouais, mais c'est ça. Si tu veux satisfaire ton joueur vedette, ton joueur de concession. C'est Price. Tu veux y montrer que genre t'es sérieux puis c'est ce que tu veux, c'est gagner. Ben si le coup c'est Sergachev pour aller chercher quelque chose vraiment qui vaut la peine, ben je pense que oui, tu le fais. Faut que tu y penses. Puis le défi de Claude Julien, moi je pense ça rejoint un peu ce que tu disais. T'sais, je pense pas que ça va être si dur que ça coacher le Canadien pour Claude Julien. Là. D'après moi, il n'arrive pas avec une équipe. Par contre, là, présentement, il analyse la patente, puis il fait des petits meetings, puis un ci, puis un ça. Ouais, il repart pas à zéro. C'est bien. Puis d'ailleurs, on a vu Adam Oates qui était sur la glace du. Ouais, c'est un entraîneur ils l'ont payé. Personnel. C'est Radulov, Pacioretty, puis je sais pas qui. Patterin, ils ont payé Adam Oates. Nesterov, ouais, ils l'ont payé. C'est un entraîneur professionnel. Personnel. Je pensais qu'il deviendrait peut-être un adjoint. Ça peut être possible éventuellement parce que je sais pas si on a déjà été ensemble. Mais hey, Adam Oates, c'est tout un passeur, ça, powerplay. Ben, moi, je pense pas qu'il va avoir ben de la misère. Je pense qu'il va remettre, remettre les Canadiens sur la track. C'est un esti de bon entraîneur. En plus de l'avoir des audios, je pense qu'ils vont être merveilleux avec sa petite voix et son petit souffle. On va se débrouiller avec ça, on va être parfait. JF, toi, qu'est-ce que tu penses, les défis, c'est quoi? Si je commence avec Claude, je pense qu'il va aller progressivement au niveau du changement de style de Michel Therrien. Puis les unités spéciales, c'est la priorité présentement parce que ça nous coûte des games présentement. Mais je pense que c'est ça la seule affaire qu'il a pratiqué après-midi, là, aujourd'hui, dans sa première pratique avec le team, c'est le low zone, la défense en zone creuse. Mm. Autour du filet, là, puis où que le Canadien c'est correct parce que solide récemment. C'est là. Ça. T'sais, il a rencontré ses coachs, puis ils ont trouvé les lacunes importantes c'est à régler. C'est la seule chose qu'il a travaillé vraiment gros. Le seul genre de vraiment, là, stratégie de jeu que travailler vraiment dessus. Il a bien fait, parce que nous autres, notre point fort, c'est notre défensive, on se l'entend, sur papier. Là. Fait qu'il n'y a pas le choix de le corriger. Puis tranquillement, pas vite, à tous les jours, les gars, quand ils vont aller à pratique, là, puis ils vont à des meetings, là, toujours de quoi de nouveau à apprendre. Fait que ça va être vraiment intéressant par rapport à ça. Puis Marc Bergevin, d'après moi, là, ce gars-là, là, s'il a fait l'échange de Subban pour aller chercher Weber, c'est parce qu'il va all-in, là. Ah puis il sait que sa fenêtre elle va fermer la journée que Price va renégocier son contrat. Là, il a slacké son coach, puis il arrêtait pas de dire qu'il allait au bout avec Therrien ou rien. Puis là, il vient. Fait que là, sa fenêtre à Bergevin, à lui, là, est après fermée tranquillement. Elle est vraiment très, très petite. Là. Il y a un 2 ans, d'après moi, top, là, en ce moment. C'est ça. Puis Julien, sa job, c'est de préparer l'équipe pour les playoffs. C'est ça qu'il va faire jusqu'à la fin de la saison. Puis Marc, il est partout. Puis présentement, comme je te disais tantôt, je te confirme qu'il est encore sur le cas de Colorado parce qu'il a envoyé ses big guns. L'année dernière, il va pas aller chercher avec Landeskog, c'est sûr et certain. Il n'aura pas cherché. Non, j'ai jamais dit ça. Il a-tu envoyé le gars avec les cheveux en feutrine? Larry Carrière et il a envoyé aussi Rick Dudley. Il a envoyé ces deux gars-là voir la game de Colorado encore hier. Ça fait 2 games de suite que ces gars-là sont là. Fait il check encore. Il a envoyé Scott Mellenby à Saint-Louis aussi. Fait que d'après moi, il a les yeux partout, Bergevin. Puis en plus de ça, selon les informations qui ont été dévoilées sur les médias sociaux, il aurait même parlé à Patrick Roy pour savoir son opinion sur les joueurs qu'il a coachés. Il n'a pas le choix d'y aller all-in parce que, comme tu dis, sa fenêtre, elle commence à rétrécir tellement. À la limite, Bergevin, il faut qu'il gagne une Coupe Stanley d'ici 2 ans. Puis s'il gagne sa Coupe Stanley, puis whatever, Beaulieu est parti, Sergachev est parti, whatever qui, il va quand même sortir la tête haute. Il va avoir amené une Coupe Stanley à Montréal. Puis en cherchant un gars en bas de 30 ans, comme Duchesne qui en a 26 seulement, là, tu le perdras pas nécessairement dans 2 ans. Après ça, Chris, ce gars-là, il peut faire 10 ans à Montréal. Là. Fait que tu vois, bâtis-toi une équipe solide à Montréal en partant, même si tu donnes un petit peu de prospects et un petit peu de choix. Si le prix est raisonnable, tout en gardant peut-être une couple de prospects qu'il veut garder pour plus tard, quand même, il n'y a pas le choix, il faut qu'il remplace quand même Markov. Paye-lui le prix, puis après ça, tu vas bâtir ta jeunesse avec le reste. Tu auras besoin de chercher d'échanger des choix de deuxième ronde, esti, pour aller pogner des vétérans en location. Là. De toute façon, là, on n'a pas de relève à la défense présentement prête à remplacer Markov. On aura beau le seul qui est le plus proche, c'est Sergachev. puis c'est lui qui est numéro 1. Il n'est pas rendu au niveau de Markov. Ça fait juste montrer qu'à l'époque, on a énormément de profondeur au niveau de nos prospects à défense. Je t'ai dit, c'est le plus proche, c'est Sergachev. Il n'y en a pas un autre qui va être plus proche de la NHL que lui présentement sur toute notre relève de défenseurs. L'année prochaine, il pourrait jouer. Sergachev? Je pense que oui. Probablement, mais ça va être à suivre par rapport à ça. Puis Bergevin, écoute, il y a les yeux partout. Puis je pense que le bonus, c'est d'améliorer la ligne de centre. Si on le fait, je capote. Galchenyuk, un nouveau joueur de centre, fucked up. Et Dano, c'est un luxe. Parce que si tu bats tes gros clubs, là, Malkin, Crosby, Ovechkin, Backstrom, et puis l'autre, c'est Gutsnetsov, là, on s'entend qu'il faut qu'on s'équipe un petit peu pour aller à la guerre avec ces gars-là. Là. Ah ouais, ouais. Hey, si on va aller à la finale de la Coupe, il faut qu'on se prépare, les gars, puis je pense que Bergevin, il est prêt. Puis à toutes les années qu'on était bien positionnés pour faire les playoffs, il a toujours fait un move. Tabarnak, man. Toi, là, mon gars, là, Julien, t'as comme, esti, c'est comme, t'as mis tes lunettes roses, esti, hein, depuis Julien t'as arrivé. Ben, même pas besoin, Chris. Claude Julien, man. C'est une tête de hockey, esti, tu peux pas savoir. Ouais, mais toi, c'est un esti de génie, c'est un intellectuel. Ouais, mais toi, c'est un esti de bonheur que t'as là. Ouais, toi. Mais non, mais vous allez. Toi, demain, tu vas le voir encore plus. Tu dis, mais là, t'avais raison. Les Chippeys vont perdre 6-0. Non, c'était impossible. Price, regardez bien Price aller demain, vous allez voir. Tout le monde va être motivé, tout le monde va être passé un nouveau coach. Ouais, c'est clair. Tout le monde veut prouver à la Ligue son équipe aspirante. Ben oui. Puis Bergevin va s'occuper du reste. Hey, le 1er mars s'en vient. Hein. Fait que d'après moi, le 1er mars s'en vient. C'était dur ça. C'est ça. Puis je pense que Bergevin. Les prix vont baisser. J'ai un beau feeling. Ah, c'est sûr qu'ils vont baisser. Plus se rapproche la date d'expiration. Certaines équipes ont paniqué. Puis je pense que Marc, écoute, là, il veut juste être sûr. OK, je le fais-tu ou je le fais pas? Mais je pense que c'est bon. Mais je vais te dire, moi, je suis Colorado. Là. Je suis crissement pas pressé d'échanger Duchesne puis Landeskog. À moins que l'équipe paye le prix pour le joueur qui. Oui, s'il paye le gros prix, si l'équipe est en train de paniquer parce que. Moi, je me dis, rends-toi jusqu'au repêchage, tu vas peut-être aller chercher encore plus. Encore plus, les gros échanges des dernières années, ça dépend, c'est quoi qui vient au bout. Si, mettons, Colorado sont bandés bien raides sur Sergachev, puis ils le voient dans leur soupe, ils vont tout faire pour que ça marche. C'est là que. Si son moyen, rends-toi cet été. Si attends autour des tables. C'est vrai, parce que dans les dernières années, les gros échanges se sont faits souvent au repêchage. Ça a toujours été le cas. Mais par contre, je vais virer ça à l'envers, tu sais. Penses-tu vraiment que le prix serait pas mieux là? Parce que là, si le prix c'est là, puis l'équipe est désespérée, puis ils veulent gagner, ils vont peut-être payer le gros prix, tandis que l'été, genre, le monde est plus relax, puis ils vont peut-être pas nécessairement payer le gros prix, tandis que là, si l'équipe est désespérée, puis ah, s'il faut que je gagne, tabarnak, ils vont peut-être payer un petit peu plus. C'est sûr. Puis l'équipe la plus désespérée en ce moment, puis le gars le plus désespéré, malheureusement, c'est Marc Bergevin, puis c'est Montréal. Les autres équipes, ils voient venir rester de loin. Là. Ils voient Marc Bergevin avec ses bas, man, puis ses vestons. Ils vont comme. Ça va négocier fort. C'est l'offre en cuillerette, pas de bas. Puis en passant, il y a une rumeur qui est sortie sur Plekanec à Tampa Bay de Filosa. Je vous rappelle que Filosa, c'est un estime imbécile, puis que Plekanec s'en irait pas à Tampa Bay. Là. Bref. Voilà. Bien dit. C'est parce que, de toute façon, je veux dire, cet échange-là est un peu épais parce que. Ils sont à côté là. S'il y a un échange, Tampa Bay va pas échanger genre pour aller chercher Plekanec s'ils se débarrassent pas eux autres aussi dans leur contrat. S'ils sont à côté dans la masse. Puis Valérie Fulpoula, là, m'encore. C'est gars-là, c'est Valtteri. Il est blond aussi, puis il a des yeux bleus. Ce gars-là, il y a une clause de non-échange en plus. Ça, là, si on va chercher, on se vient de donner un handicap. Fait que non, Tampa Bay, j'y crois pas. Puis Jérémy, il était en Floride pour suivre l'impact. Fait que femme, non, ta gueule, tabarnak. C'est Filosa qui a rapporté sur Phil Poula, c'est ça? Non, Phil Poula, c'est ce que les mondes ont spéculé dans son feed. Bon, ouais, c'est cette année qu'on a la coupe. Est-ce qu'elle coupe meilleure? Il y avait-tu de la poussière dedans? Ouais, man, tu mets de la bonne bière Trooper là-dedans parce que les Canadiens, il faudrait que ce Trooper en crise pour aller chercher cette coupe. Il faudrait qu'il y ait à la guerre, man, avec leurs armes de. On aurait fait notre effort cette année, on aurait fait la coupe. Ils vont y aller à la guerre. Je vous dis, là, la fin de la saison, c'est le temps d'écouter le hockey, tout le monde. Je suis prêt, mon gars, à aller à la guerre avec eux autres. La soirée du podcast jusqu'au bout. Ah ouais, si on va y suivre, si d'après. Toi, GF, man, comme Ivan Drago, comme Ivan Drago dans Rocky. Ouais, jusqu'au bout. Je pense qu'on a pas mal tout dit ce que j'avais à dire, mais dans le fond, Bergevin a amélioré le top 6. Puis Claude Julien, pour moi, ce serait de relancer le jeu de transition. C'est sa priorité, là, selon moi. Plus tout ce qui a été dit autour de la table en ce moment. Là. Et voilà. Tout a été dit. Mais tu sais, il n'y a pas grand-chose pour vrai que Claude va faire, là, à part arriver là puis mettre le ménage là-dedans. Puis il y a des éléments qui sont bons et des éléments qui sont moins bons. On va voir ce qu'il va faire. Mais jeu de transition défensif, c'est vraiment ce qui est prioritaire en ce moment. Mettons que tu aurais un. La rêve, confiance là, à Price. Tu dis, il va faire le ménage. Non, il n'arrive pas là avec sa Dyson. Il a plus amené comme genre sa petite Dirt Devil portative. Il va ramasser un peu dans les coins. Pis c'est tout, là, non, il arrive dans une équipe qui est premier. Il va pas. Il va pas tout chambouler. Là, non, il peut pas. C'est pour ça qu'il garde encore les mêmes assistants entraîneurs, malheureusement. Malheureusement, ça dépend pour qui. Daniel Lacroix. Lacroix puis Daigneault, je pense. Lacroix, il est juste bon pour mettre des collants. ses cassettes. Ben, Daigneau, là, regarde, depuis qu'il était au désavantage numérique, ça fait fuck all. Ben, c'est voilà. Ça, fait que c'est du monde qui vont débarrasser. Ça dehors, ben, Jeff, une question pour toi. Ah, fais ça vite, le bossant laissé à Paris. Mettons que tu aurais un choix, là. T'sais, oublie les règles, là. C'est quel joueur que toi, tu aimerais avoir à Montréal? Oh boy, je m'embarquais même pas là-dedans pour vrai, parce qu'il faut que tu te débarrasses de quelqu'un pour avoir quelqu'un d'autre. Mais, oublie ça, fais juste nommer un nom. Honnêtement, je sais pas. Patchin. Mais c'est des mots dans la bouche. Crosby, fuck off, c'est faut que je nomme un nom. Non, Chris, mais c'est ça, tu sais. Des gars qui sont disponibles, tu sais, on parle de Chain, on parle de Shatterkirk. Y a-tu un gars que toi, t'aurais aimé avoir à Montréal? Shattenkirk pour la défense, je dirais pas non, puis je dirais pas non à Chain non plus. Ben, Chain, son avantage, c'est. Il reste genre 2 ans, je pense. Ouais, il y a même salaire que. L'avantage, c'est ça. Fait que, tu sais, ça peut être intéressant. Mais bon. En tout cas, on va aller faire un deuxième endroit, faire un petit papy. Oui. on va revenir à la troisième période avec critique littéraire du livre sur 110% par Seth Brital. Fait qu'on vous revient. On est de retour pour la troisième période. Young people fucking. Ouais. Fait que là, maintenant, troisième période, on fait pas le tour de la Ligue nationale. Aujourd'hui, on va faire... le tour de 110%. La critique littéraire, en fait, c'est Seb qui va... je vais te mettre en plein écran, Seb, un petit peu. Voilà. La critique littéraire de ce livre, dans le fond, qui... Chris, que le cover est cheap. C'est dégueulasse, on dirait un western. Je comprends pas qu'est-ce qu'ils ont fait là. Ils ont pas eu de budget du tout. Pire dessus de livre, de l'histoire des livres. Daniel Poulain, dans les coulisses de 110%, émission culte. Ils ont fait comme une espèce de cover style western un peu. Puis en arrière, t'as Daniel Poulain en cowboy. C'est encore moins rapport, ça. Chris, que c'est laid. Fait que pour commencer ce segment-là... Donc, pour votre information, le livre vaut moins que 10$. On l'a vu très bien. Oui, dans un petit bazar, là, 9,50. Procurez-vous ce si vous êtes capable délectable... de trouver. Mais bon, pour commencer ce segment, je propose qu'on se mette dans l'ambiance. Là. Hey, ça se met dans l'esti, ça, hein? Pourquoi ça a même affaire en loup? Moi, je me rappelais juste comme de la fin. Ouais, moi, c'est comme une montée dramatique. C'est malade. Là. Fait que, vas-y, Seb. Ben toi, oui, man. Moi, j'ai lu ça, ce livre-là. Je sais pas pourquoi que j'ai... Je pense que c'est quand j'étais là à votre émission l'autre fois à Arcane Montréal. Pis, vous en avez parlé. On avait parlé de Michel Villeneuve. Je vous avais quoté une affaire de ce livre-là. Ouais. Parce que Michel Villeneuve, là-dedans, il dit une couple d'affaires de marde, tu sais. Puis là, j'ai dit, Chris, faut que je mette la main là-dessus, cette affaire-là, parce que moi, j'ai quand même pas mal consommé 110%, tu sais. Ça a commencé en 98, ça a duré 10 ans. Ça a duré pis... 10 ans, 110%? Ah ouais? Quand ouais. Même, ça, ouais, ça s'est transféré jusqu'à V. Ah, c'est ouais. À DQS, ça a changé de nom. Ça a coupé, c'est ça, c'était... Je m'en souviens plus. T'sais. Ouais, c'est ça. Mais au début, ce qui est drôle, c'est que ça a commencé avec l'émission qui s'appelait « C'est du sport » avec Paul Rivard. Puis ça, c'était comme une espèce ouais. D'émission... De variété, de sport. Oh, il y avait Paul Doc Rivard, Mayo. Il a été ça a été 110% dans le temps de Paul Rivard aussi. Oui, après okay, ça, il est ouais, resté. Mais quand ça a commencé, il n'y avait pas de débat. Puis là, tu avais le Doc Mayo qui était là, mettons, qui parlait d'homosexualité dans le hockey. T'avais, mettons, le Planet Hollywood qui ouvrait, puis là, il allait sur le tapis rouge, puis il checkait c'était quelle vedette sportive qui était là. Tu sais, c'était comme un émission. C'était comme le flash du sport. C'est exactement. Puis ça n'a pas marché pantoute. Fait qu'ils ont fait la première année avec ça. Ils ont commencé 99 avec ça, puis là, ils ont annoncé à Paul Rivard, j'ai dit, check, man, ça marche pas pantoute, on va tirer à plug là-dessus, c'est sûr, on crée ça au vidange. Fait qu'en désespoir de cause, man, ils ont dit, OK, pour les dernières émissions qui restent de la saison, on va faire des débats. Puis là, dans le livre, c'est ça, c'est drôle, c'est parce que t'as Régent Tremblay, dans le fond, qui s'approprie un peu la paternité des débats. Ça a l'air qu'il lui, il dit là-dedans que c'est moi qui est allé voir le boss de TQS. Je lui dis ça serait peut-être une bonne idée que tu fasses ça, man, des débats, ça marcherait. Tu sais. Puis là, t'as Michel Villeneuve qui embarque là-dedans et qui dit non, c'est mon idée, ça, les débats. Puis tout ça, même lui, il dit que c'est lui 110%. Tu sais. Ah, sacrément. Oh, nice. Crise de mangeux. Pas de fausse modestie. Ouais, c'est ça. C'est toutes des hosties de mangeux. Fait que dans le fond, 3 mois avant le début du show, il décide d'inclure des débats, mon gars. Succès instantané. C'est l'enfer. Donc, les premiers débats, c'était en mars 99. Puis c'est arrivé, ils ont fait ça 3 fois par semaine. Puis ils ont décidé de renouveler l'émission, dans le fond, en 2000, tu sais. À cause des débats, parce que ça a marché comme au coton, tu sais. Fait que là, c'était Paul Rivard qui était l'animateur. Puis là, bien évidemment, t'avais les classiques Michel Villeneuve qui était là, Michel Bergeron, puis toute cette affaire-là. T'sais. Jean Perron. C'est ouais. Ça. Fait que là, je vais vous sortir, OK, j'ai sorti une couple de meilleurs moments du livre, OK? Parce que dans le fond, le livre, ce qu'il fait... Ça, c'est Daniel Poulain qui a écrit ça. Daniel Poulain, ceux qui ont écouté 110%, c'était le moins hot un peu, genre, je trouve, de 110%. C'était comme le petit gras souillet un peu radio-canadien parce que lui, il arrivait de Radio-Canada, tu sais. Il a travaillé à Toronto longtemps à Radio-Canada, puis il était moins... Il était moins cocky un peu, il était moins baveux. Puis d'ailleurs, comme l'espèce de mastermind en arrière de cette émission-là, qui est Éric Lavallée. Un grand ami à GF. Lui, c'était comme, comme je vous disais tantôt, le Vince McMahon un peu de cette émission-là. T'sais, lui, il voyait qu'est-ce qui se passait dans la journée. Il était chez eux, en bobette. Puis il disait, hey, aujourd'hui, on va faire une controverse là-dessus. Je vais envoyer Martino, le chroniqueur Martino de TQS. Pas Richard Martineau. C'est là que la belle peau. Oui, exactement. Je vais l'envoyer dans le locker du Canadien. Je vais aller demander à Sako Kaivu pourquoi il ne parle pas français. T'sais. Puis là, ils vont surfer là-dessus. Puis là, ils vont inviter Régent Tremblay, puis un autre. Puis il va mixer du monde ensemble qui vont s'ostiner puis qui vont se crier après. T'sais. Ah, mais ça, c'est comme le style vidéo là, de la chicane avec Perron. Là. C'est le plus grand classique de cette émission. Mais ça, là, faut que t'écoutes. Mais j'ai un extrait de ça, si on veut. Mais faut que t'écoutes le vidéo de la chicane avec Perron. Puis t'as Perron, t'as G. Jean-Charles Lajoie, puis François Gagnon. Lajoie, puis qui? Non, c'est Pierre Rinfret, François Gagnon. Ouais, c'est ça. Drette ça. Ouais. Pis, mais faut que t'écoutes le aftermath et tout. Parce qu'il y a comme les entrevues d'après cette chicane-là, après que Perron ait déclaré ces affaires-là, t'as comme des entrevues avec des joueurs. Ah, qui ont dit que c'est de la merde. Il en parle dans le livre, le meilleur. Il en parle beaucoup dans ce livre-là. Le meilleur, c'est Doug Gilmour. Parce que oui, dans ce temps-là, Gilmour était pour le Canadien. C'est vrai. Puis il dit, si t'es pour me parler de ça, genre, il dit, pose-moi pas de questions. Puis écrit ça son il l'envoie quasiment chier, puis il dit, OK, je m'en vais. C'est Martino, justement. C'est Martino. Parce qu'Éric Lavallée, il envoyait Martino partout, comme un trooper. Va poser telle question, va vous rasser de la merde, va faire ci, va faire ça. Martino, il partait, man, avec son petite affaire, puis il allait brasser de la ça shit. Ça vaut la peine, écoutez, on devrait le partager, ça. Je pense qu'on l'a déjà partagé. On l'a déjà partagé on sur Facebook. On le remettra vu qu'on en reparle. Ouais, mais pour vrai, t'écoutes ça, puis t'es comme, faut-tu que je vois ça? Moi, cette vidéo-là, on dirait que ça n'a pas d'affaire être en onde, cette affaire-là. C'est comme une chicane de coulisses en onde. C'est le pire moment de l'histoire de. Puis dans le livre, il dit que c'est comme une tâche à l'émission, tu sais, parce que. Ouais, mais c'est beau en même temps, là. Ouais, c'est beau en même temps. J'ai un mini extrait ici de Perron. C'est un moment culte d'attirer. J'ai un extrait ici de Perron qui traite François Gagnon de cave. On écoute ça. Quand t'écris une affaire comme celle-là, tu viens dépérir tout ce que le monde fait en travaillant sérieusement, puis en parlant à du monde avant des crises, des maudites niaiseries. Ça, c'est pareil, vous deux, là. Quand j'ai sorti l'histoire du contrat de Lapointe, vous m'avez ridiculisé. Oui, puis on avait raison. Lapointe, deux jours après, était ici pour dire qu'elle n'avait pas raison. Les vrais chiffres, sais-tu qui me les avait donnés, les vrais chiffres? C'est le pied lui-même. Espèce de cave. Sacrement. C'est Lupien lui-même. Crise de Perron, ça va, man. Ça va loin là-dedans. Les faces de Gagnon quand il regarde Perron, là, il voulait le tuer, man. Puis là-dedans, il en parle, les gars. Les gars, c'est venu proche de d'en venir au cou. Puis Perron, tu sais. Le nez dans l'enfer du mal. Ah ouais, tout le temps. Ouais. Il va pas avec le dos de la main morte. Puis... Ce qui est drôle, OK, au début du livre, OK, il y a comme une espèce de mise au point. Parce que là, tu viens de parler de l'histoire de Jean Perron, puis il y a un acteur important là-dedans, que c'est Pierre Rinfret. Ah, lui, là. Hostie. Ça, c'est un mange-marde, ce gars-là. c'est effrayant. Là-dedans, dans le livre, ça commence bien sec. Ça commence avec la mise au point, OK, parce qu'il dit, moi, j'ai parlé à tous les intervenants de 110%, sauf quelques personnes. Fait que là, il dit, Pierre Lecourt, qui est un journaliste, je pense, du Journal de Montréal. Et Pierre Lecourt, lui, il a dit, moi, j'en ai rien à foutre. J'ai fini 110%, je veux pas te parler de ça. Okay? Yvon Penneau et Tiguémon, eux autres, ils ont donné plein d'excuses pour éviter les entrevues. Tiguémon était là-dedans. C'est vrai, il était là, lui. J'avais oublié ça. Ben, oui. Il chantait Sweet Caroline. Il y a eu du monde en tabarnak qui ont passé à 110%. Ah ouais, c'était là. Fou, là. Ah ouais, la liste est longue. T'as Serge Amiot qui a décliné l'invitation. T'as Gabriel Grégoire, le gars de football, qui se fâchait tout le temps. Lui, il est à taille et tout, man. Ouais. il a eu des coups à la tête, lui. Lui, il a fait de la bonne TV en sacrifice. Lui, il s'est pogné avec du monde solide. Mais lui, il a un extrait audio de lui, c'était parce que sa voix est sacoche, man. Il est spécial, il avait des cheveux longs, tu sais, quand un peu. Ouais, puis là, des fois, il y a comme des pics, là, on dirait, quand il parle, là. Fuck. C'était le seul Zaller qui arrivait à l'émission, puis qui voulait pas se faire maquiller. Il arrivait avec ses cheveux longs, il disait, moi, je veux être très naturel, puis c'était un hostie spécial. Puis même là-dedans, à un moment donné, il fait sentir le tofu. Ah ouais, c'est clair. Même à un moment donné, dans le livre, il dit que même à un moment donné, Régent Tremblay aurait eu peur de Gabriel Grégoire. Tu sais. Ouais. Parce qu'il était imposant, tu sais, puis qu'il s'en venait là, pour le nailer là, tu sais, en ondes. Ben, j'ai déjà vu une affaire de Gabriel Grégoire à 110%, c'est qu'à un moment donné, c'était l'Halloween, puis les intervenants s'étaient déguisés en quelque chose, là, puis lui, s'est déguisé en vampire, c'est-tu. Ouais, c'est-tu. Puis il avait la grosse cape, puis la peau blanche, puis du sang ici, puis quand il pognait les nerfs, tu sais, je sais pas, tu sais, il faisait des gestes. Je pense que la peau blanche, puis le sang, c'était naturel. Ah, peut-être bien, pas besoin de maquillage, ouais, en fait, ce qu'il refusait. T'es un peu hémophile. Puis le seul, dans le fond, que Daniel Poulain a choisi de pas parler, c'est justement, c'est Pierre Infray, puis il a quoté son père qui a dit « Mon fils, si tu n'as rien de bon à dire sur quelqu'un, tais-toi. » Ouais, fait que dans le fond, Daniel Poulain avait zéro à dire de bon à dire sur Pierre Infray. Mais lui, Pierre Infray, je l'ai déjà vu dans un restaurant à la Prairie. Attention, très local, au Villa Massimo, sur Vantageois, à la Prairie. Mais tabarnak. Bon restaurant, ça. C'est vrai qu'il demeurait à la Prairie, Pierre? Oui, ben c'est ça. Ouais. Il était là une veille de Noël, puis tu sais, il était assis à la table avec ses enfants et sa femme, puis... Gros Chris de pas de classe qui parle fort, puis que s'il fait déballer ses cadeaux à ses kits devant tout le monde, puis il est comme ah, oh, c'est-tu le fun? Puis il parle vraiment fort, puis t'es comme ferme ta calisse de gueule, Pierre Infray. Je te vois, là, ta gueule, esti, là. C'est un il voulait qu'on le remarque, quoi. Non, mais c'est un vrai de vrai cave désagréable qui parle plus fort que tout le monde dans un resto, puis qui te fait chier, là. Ben lui, c'est fait casser dehors du surpris, là. Du poste de radio qui commentait le Canadien. Je pense que c'est le 730 dans ce temps-là. Il était assez cassé, dans le fond. C'est McGuire qui l'a remplacé. Parce qu'il était commentateur pour les. Puis d'ailleurs, dans la prise de bec de. Il était commentateur. Ouais. C'est lui qui faisait les games de hockey à radio. Ah ouais. Puis d'ailleurs, la prise de bec avec Perron, une des raisons pourquoi il est en train d'exploser, c'est que c'était un ami à Terrien, tu sais. Puis dans le livre, okay. C'est ça qu'il dit, c'est qu'il y a bien il y a quelqu'un qui l'a vu après ça, prendre son téléphone, appeler Terrien, et dire « Hey, t'as-tu vu, esti, comment je l'ai ramassé, je te l'avais dit, hein, tu sais. » Lui, c'était une mission personnelle d'aller défendre son chum contre Perron, tu sais. Puis t'as François Gagnon, qui jouait comme la carte du journaliste. Journaliste je défends tous les journalistes, ouais, là, ouais. Il a l'air d'une graine vierge dedans, offensée, pas de style. Ouais, c'est très ça. En même temps, Perron, je veux dire, c'est un peu n'importe quoi qu'est-ce qu'il fait. Mais Perron, en même temps, c'est tu peux comme... Comme pas le prendre au sérieux. Ouais, non. C'est un dîner de con. C'est un personnage. C'est ça. Ça a l'air qu'il y a le numéro de téléphone de Bob Gainey en tant qu'il était directeur général du Canadien. T'sais, penses-tu vraiment que Bob va t'écouter si t'as de quoi à dire? Parce que selon lui, là, le scoop de l'affaire des Cotitines, là, ouais. Perron le savait déjà, puis il essaie d'avertir Gainey plusieurs semaines à l'avance. Mais Perron, sa bague, il a monté à la tête. Là, ben, c'est sûr, parce qu'honnêtement, on s'entend que c'est pas lui qui l'a gagné, c'est l'équipe qui l'a gagné, c'est Roy qui l'a gagné. Parce qu'il était là, il était combien de temps? 2 ans. Ouais, c'est ça. Il a gagné la coupe à sa première année. C'est pas grâce à lui. Puis d'ailleurs, tu parlais des Costitines. Il y a une histoire savoureuse à un moment donné. Quand il a sorti une histoire des Costitines, ça a l'air qu'il y avait une rumeur comme quoi le Serge Costitine était bien chaud. Puis il était en route pour aller à TQS pour aller piocher dans la vitrine pour Christine voler à Jean Perron. Oh, j'aurais aimé ça voir. C'est priceless. Ça a l'air que c'est d'autres joueurs qui l'ont empêché de faire ça. T'imagines-tu? Oh, wow, mais Chris, comment que il comprends-tu le C'est Perron ou Villeneuve, là, je me souviens pas, mais c'est un des deux. Oh, wow, man. Ouais. Ça, c'est ouais, parce que dans ce temps-là, l'émission, je m'en souviens comme c'était hier, tu sais, c'était la nouvelle. Il y a une gang contre Pittsburgh, puis après ça, mais il y a eu comme un meeting. Richard Labbé était venu parce que c'est lui qui dirigeait l'article. Puis à 110%, il a fait une émission spéciale, il disait la grosse nouvelle, puis tout ça. Puis tout le monde était comme. Ah, c'est que j'ai peur. Tout le monde avait la chienne. Mais sur YouTube, là, j'ai fait des recherches en 110%. Il y a du beau matériel. Ah, c'est sûr. Code, on pourrait faire une playlist. C'était tout un show, honnêtement. Là. Eric, t'as fait une super belle job. Puis d'ailleurs, là-dedans, il s'en cache pas. C'est que 110%, c'était un show. Puis il y en avait qui essayaient de rendre ça là, comme si... Trop sérieux. C'était pas une affaire d'information, pis ça, mais c'était un show. Puis Eric Lavallée, c'est ça, il coaxait le monde. Il dit, gars, mais en plus, fâche-toi. Puis... Let's go. Fait que c'est ça qui a donné lieu à des espèces de débordements qui n'ont pas de crise de bon sens les gars, ils disaient ouais, j'en fais-tu assez, là? Qu'est-ce que je fais? Puis tu sais, quand JC Lajoie est arrivé là-dedans, il ne savait pas trop où se mettre parce qu'il n'en donnait pas assez. Puis les autres, je m'en ai dit. C'est un peu ça qu'on fait, nous autres. Je veux dire, on se prend pas au sérieux, puis on n'est pas là avec nos gros stats. JF, il va gueuler à la fin de show avec son gros doigt. Je suis pas sûr qu'il est 100% sérieux de ce qu'il dit. C'est plus non, pas non, un jour, mais. C'est de l'humour. Comme quand Alex est là puis t'envoies chier, les fans de Twitter sont pas contents. C'est de bonne guerre. On est tous des chums en dehors. Tout le monde sait qu'Alex a jamais raison. On donne un show. C'est facile de frapper sur un gars qui est pas là pour se défendre. Non, j'en profite. Je vais essayer à la pince. Fait que si vous réussissez à mettre la main là-dessus, ok, je vous ai sorti une coupe de bonnes. Parce que ça, c'est un livre qui est épuisé. Fait que faut que tu trouves ça dans un bazar, quelque chose. Moi, je l'ai acheté usagé sur Amazon, mais je pense qu'il en restait plus d'usagé en tout cas. Là, je vous ai sorti une couple de petites affaires délicieuses qu'il y a là-dessus. Okay, ouais. Dans le fond, là, les gars à 110 % étaient payés entre 325 et 400 par émission, sauf Régent Tremblay. Lui, il voulait être payé en objet de collection. Il collectionnait les cartes, les pipes. Les pipes! Esti! Fabienne, il en faisait plus, esti. Il devait être avec Fabienne dans ce temps-là. Ah ouais. Oh, elle avait ça. Elle, God, man, c'est croustillant. C'est, comme j'avais déjà dit, c'est plus le même monde depuis que Fabienne a arrêté de le mettre dans il le il se faisait payer en pipe. Ouais, ah, fait qu'il payait en objet de collection, dont des pipes. Là, t'as Michel Villeneuve, à un moment donné, qui dit que Pierre Lecour, c'est un plein de marde. Il dit que Jean Pagé, c'était la personne idéale, dans le fond, pour remplacer Paul Rivard, parce qu'il dit... lui, il se fait taper dessus, puis il trouve ça drôle. T'sais. Il a l'air d'une tarte, puis il rit. C'est vrai, man, il riait tout le temps. Il est gentil, ça. Jean Pagé. Ouais, c'est comme un... Lui, il est tout le temps comme... Oh, ben, c'est ça, il était content de faire partie de la gang. Ouais, c'est ça. Lui, peu importe, il n'y a rien à dire d'intéressant. Mais ouais. Exact. Michel Villeneuve qui continue encore, qui dit que Mario Langlois, il disait du vide. Mario Langlois, c'est vrai, lui tout, il était là. Man. Ouais. C'est... Ouais. Pis, saviez-vous que entre Paul Rivard et Jean Pagé, la personne qui était supposée être engagée là, c'était Chantal Maccabée. Oh, oh boy, pour vrai. Oh, ouais. Hey, ouais, mais là, ça je l'ai pas su, celle-là. Pis c'est Michel Villeneuve qui ça a l'air qui dit qu'il a imposé son veto parce qu'il dit que ça prenait un homme là, ça prenait pas une femme, fait qu'il a empêché Chantal Maccabée de rentrer là. Ben, honnêtement là, ça aurait pas donné le même show. C'est sûr. Ça aurait été plus civilisé. Ça aurait été beaucoup plus drette parce que les gars se seraient retenus devant une fille. Il aurait été beaucoup moins lousse là, tu sais. Ouais. Puis d'ailleurs Michel Villeneuve s'attribue beaucoup de crédit à 110%, il dit que lui c'était le seul parce que Michel Villeneuve l'été ou quand que Paul Rivard ou Jean Pagé étaient absents, c'était lui qui faisait l'animation. Puis Paul Rivard et Jean Pagé avaient toujours une oreillette, puis c'était Éric Lavallée qui leur calait des shots en arrière, puis Michel Villeneuve, il dit « Moi, j'étais le seul, je voulais pas d'oreillette, c'était moi qui menais le show, puis il avait pas besoin de rien me dire. » Tu sais, c'était moi, 110%. Il amène. Ah non, C'est la raison pourquoi que Michel s'est fait crisser dehors de V, puis qu'il s'est fait crisser dehors de TVA Sport aussi. Parce qu'il était incontrôlable, Steve. Il fallait qu'il mène le show, mais ben ouais. C'était pas le cas du tout. Il n'y a pas de respect aucunement pour les gens de production. Ben non, il n'y a aucun respect. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un là-dedans qui a fait un petit commentaire, mon gars, puis ça a l'air qu'il était venu super émotif. Là. Autant il est super émotif aux commentaires, autant il est super chien avec le monde. Là, ouais. Fait que Michel, fuck you. Il mange la merde, Steve. Là, tu as Gabriel Grégoire. On apprend qu'à un moment donné, il avait parlé des initiations au football collégial puis qu'il s'était fait suspendre, lui, pendant une couple de mois pour avoir dit balai dans le cul. Éric Lavallée, il avait dit Chris, là, dis pas ça. C'ti. Fait que dans ce temps-là, Éric, qu'est-ce qu'il faisait? C'est qu'il suspendait les gars. Il les rappelait pas pour le show. Il a dit ça en ondes, ouais. Balai dans le cul. Je l'ai vu, ça. Ouais. Je l'ai vu, je m'en rappelle, man. Parce que tu viens comme de m'allumer, genre, comme j'ai ben fait les comme, gars s'étaient fait des initiations, puis c'était ça, mon gars. Il rentrait des manches à balai dans le cul des autres, des kids qui arrivaient. Je m'en rappelle quand il avait parlé de ça. Ouais. Là, t'as Marc Bureau qui traite Villeneuve de sans toute tête. Lui, j'avais oublié, là, ce gars-là, il était fatigué. Hey, ça, je t'ai dit, il y avait tellement de monde qui ont passé là. Puis le pire, c'est que j'ai rencontré Marc Bureau en personne quand je travaillais dans un magasin sport à l'époque. Lui, t'avais tout un front, même. Ouais, parce qu'il a toujours son casque trop serré, une marque. Mais ce gars-là, il est tellement trou de cul, là. Son fils voulait avoir une pad aussi, puis il a dit non. Puis il tire par le chandail, c'est comme tabarnak. Moi, j'avais honte. Ciboire, mais. Now! Ouais, je te dis, c'est un mange-marde, ce gars-là. Là. Ah, Marc Bureau. On a rien des cas à soi. Ben, il avait traité Michel Villeneuve de sans toute pète parce que. Ben, Michel Villeneuve, c'était lui qui avait monté l'espèce d'histoire. Tu sais, quand José Théodore, il s'était blessé, il y avait une supposée blessure, puis c'était pas trop sûr qu'il marchait en béquille. Ça, c'est avant que ça s'est changé. C'est quand quoi? Il est allé faire du ski, là? Ouais. C'était Michel Villeneuve qui avait engagé un caméraman pour aller se cacher, pour aller le filmer. Il faisait son 25 Stanley. Ouais. Man, wow. Fait que Marc Bureau, il avait trouvé. Il faisait leur 25 Stanley, mais il avait plus de power que 25 Stanley. C'était incroyable, Stanley. Ça, mon gars. C'est de la fiction. C'est clairement une émission de télé qui a rentré en conflit avec le Canadien complètement. Là. Ah, c'est sûr, certain, parce que c'était toujours le contre les directives. Le Canadien, à ce temps, il laisserait pas passer ça. Est-ce que c'est ça qui a fait changer le PR du CH? Peut-être. Peut-être. Probablement, mais je leur donnerais pas taux de crédit pour ça, par exemple. Non, mais ça a dû mettre pas pencher à balance. Il fallait qu'il y ait un contrôle d'information, puis aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux, c'est plus dur à gérer. Ouais, c'est dur à gérer. Mais il n'y a plus de leaks, quasiment. Man. Les leaks sont durs à avoir en crise à cette heure. Ah non, c'est sûr, certain, parce que Terrien s'est fait mettre dehors le dimanche, puis personne ne le savait. C'est ça, tout est contrôlé. Même le coach ne savait même pas, c'est-tu. Ouais, c'est ça. Là, t'as Enrico Ciccone là-dedans qui avoue candidement que lui, dans le fond, après une émission de 110%, il avait le goût de tuer tout le monde. Lui, ça a été vraiment tough pour lui là, de participer à ça parce qu'il a commencé 110 % tout de suite après sa carrière. À ce type, il était là. Il s'est fait manger tout rond, ouais, quand. Ah non, mais Chris, il était pas habitué de se servir de sa bouche. Non, c'est ça. Ce gars-là, là, il fallait être crosse. Non, lui, il était habitué de taper ses. Mais quand il est chaud, il est drôle. Puis Paul Rivard, il a déjà dit à Ciccone, parce que Ciccone avait critiqué les étudiants. Puis Paul Rivard, il avait dit au moins les étudiants, eux, ils ont déjà lu des livres. Ça a l'air que cette émission-là, c'est délicieux parce que Ciccone, il regarde, il est en ligne Rivard, puis il veut le tuer là, là, tu sais, ah, live. Pendant ça, là, Rivard le regarde juste dans les yeux parce qu'il louche un peu vers la gauche. Mais c'était ça, 110 %, c'est que dans une argumentation, mettons, sur un point, tu sais, on peut être pas d'accord, mettons, sur peu importe, mais il allait chercher la petite affaire personnelle de la personne, du manque d'éducation, du fait que. Toi, t'as jamais été coach, j'ai jamais rentré dans une chambre. Toi, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça. C'est personnel. D'autres, au moins, c'est civilisé. Il y avait comme une vendetta, mon gars. T'avais des gars là-dedans qui saillissaient. François Gagnon, JC Lajoie, ça saillit pour mourir. JC Lajoie, puis Richard Labbé, ça saillit au coton. Tu l'as nommé deux fois JC Lajoie. C'est pas pire. Dans le fond, personne n'aime JC. Finalement, personne n'aime, c'est ça. Non, mais JC a eu bien la misère avec le monde. Puis on a eu une question du public tantôt sur Twitter. J'allais chercher le nom de la personne, pour être sûr. Batman. Qui? Batman. Batman. Batman. C'était Where's Rachel? Tristan from Balamaco qui voulait savoir pourquoi est-ce que JC Lajoie était la tête de Turc de 110%. Ouais. C'est parce que JC, dans le fond, lui, il est arrivé en 2006 puis il est arrivé avec le concours Sport Académie. Ouais, il avait gagné le concours. Il avait gagné ça. Fait, mais lui, avant ça, il avait fait de la radio puis il avait fait bien des. Il avait déjà une expérience, mais c'est ça qui l'a fait Martin rentrer à ses cas. Il a pas participé. Il a fini deuxième. Aussi, c'est pour ça qu'il saillisse. C'est ça. Fait que quand il est arrivé comme dans la sphère médiatique, il est arrivé avec un gagnant de concours, puis il était ultra coloré, il était très provocateur, il avait pas peur, puis il avait hâte de se mesurer au Michel Villeneuve, au François Gagnon, puis il était baveux, tu sais. Fait que des gens partant, asti, l'ont pris en aversion, là, from day one, asti, là. Puis il a fait des gaffes, comme direct en partant. Comme ça a l'air que la première émission qu'il a faite à 110%, genre, ça. C'était pas bon. Là. Il était là aussi, il était figé, il savait pas quoi faire. Puis même après ça, il est allé voir pour demander une augmentation de salaire de son cachet. Tabarnak, si, peux-tu être. Tu sais, défronté, est-ce que tu sois un but de toi-même. Ah ouais, puis un petit peu après ça, il a fait une joke à Éric Lavallée. Il l'a appelé sur son téléphone, puis il a fait à craindre qu'Éric Lavallée venait se faire calisser dehors. T'sais. Là, Éric Lavallée était tellement en calisse qu'il l'a pas rappelé pendant plusieurs mois. Fait que JC Lajoie, c'était ça, drette en partant. Ah ouais, c'était comme le too much guy là, qui arrivait, puis qui brassait de la merde. Fait que. Tout le monde l'a pris en aversion. Écoute, t'avais Richard Labbé qui ne l'aimait pas. À un moment donné, c'est Lajoie qui a sorti l'histoire de François Gagnon qui s'est ramassé à poil dans une chambre d'hôtel à Salt Lake City. Wow, t'as peur là. Il a sorti ça de même. T'as François Gagnon, il y avait une rumeur que François Gagnon, quand il a couvert les Jeux olympiques de Salt Lake City, pendant la nuit, il s'est ramassé à poil dans le lobby, genre? Dans le corridor, puis il s'est embarré dehors. Fait qu'on parle de. Mais pourquoi il a dû shooter ça, genre, pendant le show? On parle dans le temps qu'il était gras, là, parce qu'on s'entend. En fait, non, que... c'est pas ça qui est arrivé, c'est que François Gagnon a pris en aversion la joie from day one, puis il a commencé à le picosser un peu partout sur différentes tribunes. Puis à un moment donné, JC Lajoie, il a dit, garde, moi, j'en ai assez. Puis là, il était animateur à CKAC, puis il a sorti l'histoire à CKAC. Wow. Puis il avait appelé ça. Comment qu'il avait appelé ça, donc? Tintin le Nuvite au pays des Mormons. Ah, ça me dit de quoi, ça? Ouais. Mais ça, c'est une histoire qui est vraie, ça. Moi, il y a un autre gars journaliste qui m'en a parlé de cette affaire-là. Puis ça a l'air que François Gagnon voulait faire une petite surprise à quelqu'un. Fait que. Accident jaune. Une petite surprise. Une petite surprise. Fait que pour répondre à la question du gars, tu sais, pourquoi que JC Lajoie, c'est comme la tête de turc, c'était ça. C'était comme. Puis toutes les espèces de classiques journalistes, tu sais, voyaient JC Lajoie comme un paria, tu sais, qui arrivait, puis qui avait pas sa place, tu sais, qui avait pas gagné ses lettres de noblesse, tu sais, dans le journalisme, dans les affaires-là. Parce que c'est ça pareil dans ce milieu-là, tu sais. Surtout dans les années. Faut que tu fasses ton chemin, là. Ben ouais. Aujourd'hui, c'est moins ça, tu sais, avec le web. Aujourd'hui, tu as plus de blogueurs. Ouais, t'as des blogueurs, puis t'as des joueurs analystes, puis t'as des coachs, t'as des podcasts. Beaucoup plus de variété, là. Ouais. Exact. Fait que c'est ça. Fait que, écoute, moi, je vais vous le passer, ce livre-là. Vous lirez ça. c'est ça changera quasiment ouais, pas votre je, vie. Je vais te l'emprunter puis je te le remets dans genre à peu près 4-5 ans. Là. Ouais. Parce que moi, c'est très long. Les mais gars, si les... vous avez écouté. Si vous avez écouté 110% dans ces années-là, puis là, je vous passe je aussi des. Plonger dedans, remarque. Des histoires de Jacques Villeneuve quand il parlait de course automobile, puis de un, puis de l'autre. Puis c'est plein de chicanes de gars. C'est ça, puis ce qui est le fun, c'est que ça fait des petits. L'antichambre, ça vient de là. Le match à TVA, dans le fond, la raison pourquoi ça existe, parce que c'est Éric Lavallée qui a monté le show. Ouais, le match n'existe plus là. Non, mais le match ils font encore l'animateur c'est devenu le gros en direct, en direct là, dans le fond Dave Morissette c'est une job aujourd'hui c'est grâce à Éric Lavallée Ça a créé la soirée du podcast on veut pas ben oui c'est sûr on veut pas on est quand même basé un peu sur le débat ça a été une belle idée on fait pas mal juste ça qui a été développée puis même à un moment donné Radio-Canada avait fait de quoi je ne sais plus comment ça s'appelait là mais ça a été de la calice de la seule différence c'est nous autres quand on c'est la zone je pense c'est ça c'était Michel Villeneuve qui avait été là pour aller parce qu'à un moment donné c'est ça c'est que 110% a commencé à perdre du monde parce que t'as Gagnon qui est allé à l'antichambre puis t'as Villeneuve ça c'est comme chevauché ouais ben c'est ça qu'ils se sont rendus en permanence avec Tony Marinaro Michel Langevin puis JC Lajoie. Tony Marinaro. Ah, Michel Langevin, une belle anecdote là-dedans, c'est que Michel Langevin, lui, il a couvert, dans le fond, les sénateurs d'Ottawa dans la région de Gatineau pendant 15 ans. Puis quand il s'est emmené à Montréal, il était nouveau à Montréal. Là, fait que là, premièrement, il voulait comme se pogner avec le monde de Montréal, qui pensait qu'il connaissait le hockey. Fait que lui, il était comme un peu là-dessus. Puis lui, à un moment donné, il a eu un offre pour aller à l'antichambre à RDS. Puis ce style naïf-là, qu'est-ce qu'il a fait? C'est que il a signé un contrat. Il a signé un contrat sur le side, mais là, il se sentait mal, tu sais. Fait que là, à ce temps-là, c'était Jean Pagé qui était l'animateur. Fait qu'un soir, il dit: Hey, Jean, il se retrouve dans le parking. Il dit: Faut que je te parle de quelque chose. Il dit: Je vais partir, tu sais, de 110% à la fin de la saison. J'ai signé un contrat à l'antichambre, tu sais. Fait que là, il s'est comme vidé le cœur. Fait que c'est dit: Bon. Et tu sais, ça va être cool, va falloir finir ma saison. Puis tout ça. Le lendemain, il reçoit un appel d'Éric Lavallée. Il dit: Oublie ça, man, t'es plus sur le show. C'est ils fini. Ils l'ont piqué. Ils l'ont calissé dehors. En fait, c'est Jean Pagé qui l'a calissé dehors ce jour-là. Toi, mon hostie de traite, tu l'as vendu. D'après moi, Jean, c'était un bon trooper à Éric Lavallée. Déceptible aussi. Jean Pagé, l'animation qu'il faisait, mais c'est tout Éric qui le dirigeait, dans le fond. Là. Jean, c'était. C'est comme un pantin. C'est une marionnette. Ben, c'était pas mal ça aussi. Puis il était pas la même chose à Radio-Canada, mais bref. C'était drôle. Fait qu'il y a plein de petits bijoux là-dedans, les coulisses de 110%. Fait que si jamais vous allez dans une brocante à quelque part, vous voyez cette tonne de marde-là sur une tablette. Livre orange weird. Ça se lit tout seul. Ça se lit vraiment tout seul. Livre orange brûlé comme sale. Là. Le bon Daniel Poulain qui a ramassé. Puis j'ai aimé un bout aussi, c'est quand JC Lajoie dit que François Gagnon est drabe et beige. C'est-tu assez juste quand même comme commentaire? Ouais, drabe, beige et dans la zone. On ne dira pas ce que JC Lajoie est, là, parce que dans le fond, là, il mène la balle au 91-9. C'est lui le boss. Il fait une bonne job. Malgré son pinch vraiment weird là, en ce moment. Il regarde qu'un pinch, il a l'air d'un peintre. Lajoie, il est peut-être un peu colon, mais il est entertaining dans le sens que. Non, mais il donne un bon show. Il donne un show, ça. Donne un bon fou. T'as invité à son podcast, JC? Non, ouais, fuck that. Il va venir. Si il vient, je prends congé. Il va venir. On aimerait ça que la soirée du podcast soit invitée au 91-9. Je l'aime pas. Mais si, bon, ça arrivera pas. Ben, longtemps qu'on m'assied pas, mais ça m'aime tape. Peut-être dans la nuit, entre 3 et 4 heures, après Jacques Fabi. Avec Gonzo le clown. Oh, Chris, il est comme monté le couche. Tu vois, Claude Julien. Il devrait chauffer, là. Fait que t'as un call-out ce soir, JF? Ouais. Fait qu'on y va pour les call-outs. Il y a le doigt puis comme. Tu veux la cam centrale? La cam centrale, tout ça. J'aimerais parler de Carey Price. Oh shit, t'as commencé mal un call-out, ça? Michel Godbout. Qui? Michel Godbout, c'est le gars qui fait une nouvelle à TVA Sport bien tard le soir quand tout le monde est couché puis tout le monde s'en calisse, là. Michel Godbout, là, il en a profité un jour, un soir, pour dire que Mike Condon avait des meilleurs stats que Carey Price. Et puis, dans le fond, ce qu'il en est, c'est que Mike Condon était meilleur que Carey Price cette année. 5 jeux blancs. On s'en fout. Michel Godbout. Le condom n'a pas été pénétré. T'sais, premièrement, ce gars-là, il a l'air d'un analyste en économie. Tu n'es même pas à l'air d'un gars de sport. Puis si on t'a crissé aux nouvelles à minuit le soir jusqu'à 3h du matin, là, c'est parce que tu étais à chier, tabarnak. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu apprennes à fermer ta gueule. Puis même si tu essaies de dire des controverses, là, on s'en calisse. Mais moi, je les pogne, je te check. Fait que débarrasse. Mario Tremblay, qui ose dire des stupidités à RDS comme quoi que Carey Price est la raison pourquoi que Michel Therrien s'est fait colisser dehors, puis que même il sort comme supposition qu'il aurait fait exprès de perdre. Trembler, si tu veux, à la face tabarnak avec ton nez tout ridé, colisse avec tout ton alcool pogné là, on s'entend-tu que t'es la raison principale pourquoi que le Canadien est dans la merde aujourd'hui? Ça n'avait pas de bon sens qu'on t'a engagé comme coach esti en 94 ou 95 où je m'en calisse parce que t'aimes pas d'expérience dans la Ligue nationale, tabarnak. Patrick Watt t'a donné des pogs esti avant la game contre Détroit, puis tu t'en es calissé parce que t'étais intimidé par Scotty Bowman. T'as même pleuré quand t'étais joueur de hockey parce que t'aimes pas ça quand on dit que t'étais pas bon, puis ferme ta gueule, esti. Toi, là, tu mérites juste une place en prison. T'es chanceux en tabarnak que Don Semaro Tremblay parce que tes affaires d'alcool au volant, là, c'est pas parce que tu sors ton chèque et tu tombes au policier que tu mérites d'avoir une passe drette, là. Puis à cause de toi, tabarnak, t'as réveillé du monde, esti, sur Facebook pis ses réseaux sociaux pour dire que Halak est meilleur que Carey Price. Excusez-moi, tout le monde, là, mais tabarnak, esti, d'après moi, vous autres, là, vous avez pas lu bien des livres, vous autres, à l'époque, hein? Référence à ce que Seb Brutal a dit tantôt. Là, on va mettre une chose au clair. Carey Price, c'est le meilleur gardien de but au monde. Puis toi qui demeure près d'une prison, là, tu devrais apprendre à fermer ta calisse de gueule, esti. Puis tout le monde qui dit que Halak est bon, là, vous venez de sortir de votre grotte tout d'un coup, là, vous en profitez pour dire que Price c'est de la calisse de merde, là, mais on vous dit quelque chose, c'est quoi de la calisse de merde? C'est vous autres qui savez pas c'est quoi le hockey, esti. Tu me dis, oh, tu regardes pas la game. Moi, je le regarde la game et je l'écoute aussi. Fait que ça fait une esti différence dans mes connaissances de hockey. Puis toi, esti, à place de me dire que je devrais manger la graine à Trudeau, esti, puis que je vote libéral, là, tu te rebondes à fermer ta gueule, esti, puis perdre du poids, tabarnak. Fait qu'à un moment donné, là, c'est Price tranquille. Victoire de 5-2 demain. Fuck you, Tremblay. Fuck you, Godbout. Bonne fin de semaine. On dirait que Jeff s'est poigné avec des gens sur Twitter cette semaine. Pour yes. Sur Facebook. C'était personnel? Ah, ça n'a pas de bon sens. Si. Hey, bois une petite gorgée de bière, faire passer tout ça. On commençait à me parler là, de que Halak était meilleur, puis tout le monde est offusqué parce que Bergevin a dit que Price était le meilleur gardien de but au monde. Ben, il a pas mal raison. Puis en plus de ça, on me dit, ouais, ben, tu sais, c'est parce que Bergevin, dans ses conférences de presse, là, il va pas commencer à dire la même chose aux journalistes québécois puis à TSN. Dans la conférence de presse, là, tout le monde est là, esti, puis parle en anglais puis en français, dans les audios, esti, ils se mélangent même dans les langues parce que tout le monde est là. C'était du monde vraiment pas instruit, puis j'espère que vous m'écoutez ce soir. Parce que vous, là, vous méritez juste de fermer votre compte. Matin. Ouais, mais on n'a pas de casse. Ouais, mais c'est peut-être du monde qui n'a pas de vie aussi. Fait que non, ça, j'accepte pas ça du tout. Je ne tolère pas l'imbécilité dans les réseaux sociaux. Le monde qui troll, je les retrolle. Puis quand vous sortez des astuces graphiques pour me présenter, puis prouver un point, puis inventer des suppositions sur des affaires qui vont même pas arriver, tabarnak, tout ce que vous devriez faire, c'est de prendre un livre, lire. Ouais, parlant de troll, mon gars a bien trippé sur le film. Tu sais, comme aliéner l'auditoire, le Jeff le fait très bien en ce moment. Ouais, c'est gang de cas qui nous écoutent, là, ils n'ont pas de vie ici. Non, le monde qui nous écoute, là, c'est du monde qui veulent vraiment, là, sont écœurés des affaires de l'Anchamp puis toutes les affaires qui se passent à la TV parce que le monde sont vendus puis tout le monde s'en fout de Michel Bergeron, il est dépassé, ce gars-là. Nous autres, on est de l'avenir. Puis eux autres, là, c'est du passé. Puis garde, tu vois, il en a écrit des livres maintenant aujourd'hui, mais à un moment donné, un jour, ils vont avoir un livre sur nous autres. Mais là, je vous le dis une chose, là. On va être là jusqu'à la fin de la saison. On est là pour supporter le Canadien de Montréal jusqu'à la toute fin. Hey, on est Therrien Strong. Non, fuck Therrien Strong, on est Julian. Claude Julian. Julian Strong. C'est ça. Puis je veux plus jamais entendre le mot de Halak. Puis je vous garantis une chose, dès que la Price. Dès qu'il y a un blanche. Demain, dès la victoire, là, c'est sûr, certain que je m'envoie dans les réseaux sociaux. Puis je m'en vais renvoyer chier ce monde-là. Je comprends même pas qu'on parle encore d'Halak. Si, genre, ça fait combien d'années qu'il peut avec Montréal? Ça fait des années. Puis on m'a dit que Halak en a fait plus que Price à Montréal. Il a goalé une demi-saison, tabarnak! Puis en plus, ça a l'air qu'un goalé à 29 ans, là, ça devrait prendre sa retraite parce que c'est rendu au bout du rouleau. Le monde, ce qui se rappelle, c'est juste qu'on a eu des belles séries l'année qu'Alain était là. C'est tout ce que le monde se rappelle. Puis Price, il s'est rendu en finale d'association aussi. Fait que ça ouais, mais Price, on sait qu'il est bon à l'axe parce qu'il est sorti de là comme... On s'attendait pas à ce qu'il nous domine comme ça en remplacement de Price. C'est ça, puis il y a-tu fait de quoi d'autre à l'AC? Mais non, là, c'est comme revenez-en, asti, là. Mais oui, tabarnak. Hey, ça mérite une petite claque, ça ailleurs, ça. Puis je vous garantis une chose, ma main, je vais la crisser dans la neige, là, puis je vais m'arranger qu'elle soit bleue, asti. Puis je vais la colisser sa joue drette, asti. Puis je vais m'arranger d'y aller du revers sa joue gauche. Voilà. Ça, c'est sûr et certain. Puis ça se peut que je sorte la ceinture. Je comprends rien. Non, c'est juste à dire que c'est un moment-là, je suis plus capable. Il mérite une leçon de la vie. On fait juste à la violence ce soir. Regarde-moi, ça m'arrache. Je prends ça personnel. Qu'on vient pas me parler de ça. Fait que ça fait le tour du podcast pour ce soir. On remercie Seb d'être venu. Merci, merci les boys. C'est un excellent segment, un excellent show. Allez suivre son podcast. C'est pour la bière. Boulevard, ouais. Une excellente bière à Iron Maiden. C'est bien bonne. Ouais. Suivez son podcast Boulevard Brutal si vous êtes fan de musique métal. C'est très bon, c'est excellent. At Boulevard Brutal sur Twitter et également Boulevard Brutal sur Facebook. Et puis on vous invite à nous suivre aussi sur Twitter. Nous, on est at Soirée du Podcast puis La Soirée du Podcast sur Facebook. C'est là qu'on diffuse nos lives pour ceux qui voudraient voir les vidéos de ce qu'on fait en ce moment en audio. Donc, c'est tout. On se revoit dans deux semaines. À la prochaine, tout le monde.